Salut à toutes et tous et bienvenue dans Dev & Retry, le podcast sur le développement d'un point de vue professionnel ou presque. Je suis Vincent, je pense à me présenter cette fois. Je commence par moi maintenant parce que je sais que j'oublie tout le temps après. Vincent, mais je suis accompagné comme toujours par Marie. Comment tu vas, Marie? Bonsoir, ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Et toi, Guillain? Ouais, ça va nickel et toi? Oui, ça va toujours bien, merci. Et toi, Ben? Bonsoir. Ça va bien. Bonjour. Bah oui, on sait pas. Bah oui, on sait pas quand est-ce que vous écoutez tout ça. Ouais. Donc oui, ça va très bien. Bonjour à vous aussi. Et vous? Bah franchement, tout le monde va bien. Je crois que c'est une bonne émission qui commence. Ouais. Allez, bah on va pas traîner plus sur l'intro parce qu'on a un programme assez chargé ce coup-ci. Puisqu'on va parler de la Global Game Jam 2019, du coup, forcément, la dernière édition. Vous vous souvenez que l'année dernière, la première émission de Dev & Retry, c'était sur la Global Game Jam 2018. Donc du coup, bah allez hop, on remet ça. Mais alors, avant de s'attaquer à la Global Game Jam, on va faire notre petit point habituel sur les nouveautés depuis la dernière émission. Virgule. They can take your world. They can take your heart, cut you loose from all you know. But if it's your fate, then every step forward will always be a step closer to home. Yeah. Alors c'est du bon qui demeure, ça, si je me trompe oui, pas. Oui, c'est l'intro de. Les premiers mots de Sora dans Kingdom Hearts 3, dans l'introduction. Mais il termine par home, donc je me suis dit, avec le sujet de la Global Game Jam, ah, j'avais le droit. Tiré par le jeu, mais pourquoi pas. Ben forcément, de toute façon, quoi de neuf avec la sortie du jeu voilà. Si ça y passait pas aujourd'hui. Bah, parce qu'en fait, c'est vraiment ça, la nouveauté depuis la dernière émission, c'est pas la Global Game Jam ou quoi. Ouais, Kingdom 3 global, est sorti. Mais... Ouais. Hein, Kingdom 3 est sorti, c'est ça. Kingdom Hearts 3. Ouais, mais je le raccourcis parce que tu connais mon accent anglais. Vous voyez pas le taux de mépris dans les yeux de Vincent, mais il est assez efficace. Tout à l'heure, il m'a quand même sorti Kingdom Hearts, c'est un peu Banjo-Kazooie. Ouais, en tout cas, c'est pas mon style de jeu. Ouais. Je suis désolé, je vais me faire virer de l'émission. Non, mais personne n'est parfait, donc bon, on t'accepte avec ta différence. J'ai ouvert une cagnotte Litchi pour me soutenir après que je me sois fait virer de l'émission. Je te soutiendrai, t'inquiète. Bon, alors, qui c'est qui veut commencer avec ce... C'est quoi de neuf? Ouais, voilà. C'est quoi de neuf? Faudrait peut-être trouver un meilleur nom un jour, mais franchement, je sais que c'est pas ma spécialité. Hein. Le titre de l'émission, c'est bien qu'il a trouvé. Moi, j'étais parti sur... Le club des jeunes développeurs. Le club des jeunes développeurs. Avec un slogan. Est-ce que tu peux nous dire le slogan? Ah oui, les Teen Titans du jeu vidéo. Voilà, mais je trouve que c'était pas mal. Ça a été refusé par l'intégralité des chroniqueurs présents ici et Floris compris, je crois. Oui, je suis. Alors, pour le quoi de neuf, pour ma part, je suis toujours en Master 1 jeux vidéo et en ce moment, j'apprends la 3D sur Blender. Et j'ai testé pas mal de logiciels hors 3D, c'est-à-dire j'ai fait de la prog, j'ai fait de l'animation, j'ai fait du grave 2D, j'ai fait plein de choses. Et je me rends compte que le plus difficile que j'ai dû affronter, ça reste la modélisation 3D. Donc Blender, c'est une bonne galère et tous ceux qui ont déjà tenté, je pense qu'ils me comprendront. Je sais pas si ici, quelqu'un s'y est prêté. Alors je pense que Guillain et moi, pas mal. Ouais, encore que pas toi, sur la Blender. 3D, pas... Oui, non, pas, moi non pas plus. Sur Blender, moi j'ai fait du Maya, un peu de 3DS, mais... Ouais, dans le même délire, c'est enfin, la 3D en général. Ouais, mais Blender, c'est quand même... En fait, c'est un logiciel qui fait un peu de tout. Tu peux quasiment faire des expériences de brush sur Blender, animation, ouais. Tu peux faire pas mal de trucs. Ouais. Et Blender, c'est un logiciel, j'avoue, j'y ai pas touché, parce que c'est pas trop mon domaine privilégié, mais... À tenter. Ouais, donc Blender, bah je savais pas que c'était aussi complexe que ça. C'est super complexe. Et d'accord. C'est pour ça que t'arrives dessus et tu t'y perds en fait. T'as trop de fonctionnalités. Moi je suis arrivé, j'ai fait mon dieu, donnez-moi des tutos. Mais en tout cas. C'est gratuit. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que l'intérêt principal de Blender, c'est que c'est open source. Et bah c'est exactement pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, si jamais j'ai un studio, au moins j'aurai quelque chose de gratuit sous la main, quoi, que je peux exploiter. Voilà. Parce que clairement, tout le monde n'a pas de quoi se payer une licence Maya, je sais plus combien de milliers d'euros. Cela dit, sur la parenthèse Maya, pour les étudiants, c'est gratuit. Oui, ouais, mais donc c'était ça, dans l'optique de pouvoir déjà s'entraîner. Et en plus de ça, on a découvert nous récemment à Homecoming qu'il y avait une version light de Maya qui s'appelle Maya LT, gros, ouais. Et qui est beaucoup moins chère que la version complète et qui possède quasiment tous les avantages qu'il faut pour bosser sur une prod. Dessus, donc en vrai, même 50% moins cher, ça reste cher. Non, je crois que c'est de l'ordre, je sais plus, je crois que c'est 500 euros par an, c'est un peu moins que les 2000 balles ou 2500 balles par an, ou je sais plus combien de en tout cas, une licence à vie, je sais que Maya c'est vraiment super cher. Ouais, c'est très cher. Ouais. C'est quelques après, j'ai commencé par là, et après il y a des gens qui m'ont dit mais tu devrais commencer par ZBrush ou Sculptrice, c'est ça. Mais c'est pas tout, mais c'est la pas même tout chose, à fait la même chose. Hein, alors ZBrush, moi mon expérience sur ZBrush, enfin sur ZBrush, c'est pour les anglophones, ça a été oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait de mon CTRL-C, de mon CTRL-V, pourquoi ma barre des tâches a disparu et pourquoi l'interface est tout sauf intuitive. D'accord. Ils ont changé les raccourcis de base que tu utilises dans n'importe quel logiciel de création sur Windows, et donc du coup c'est très très compliqué de. Et c'est surtout leur truc de gestion des mouvements des objets 3D dans la scène, c'est horrible. Enfin, tous les logiciels 3D ont une base sur trois axes où si on clique sur un axe, ça le déplace dans ce sens-là. Bah, ZBrush, ils se sont dit tiens, on va faire un truc pas ergonomique du tout et. On va continuer à pousser ça. Mais d'accord, parce que je crois en plus que c'est pas du tout la même chose. Tu sculptes quelque chose, alors que sous Blender, tu crées. Après, je crois que sur Blender, tu peux avoir des sculptes aussi. Hein. Ouais, sur Blender, tu peux le faire. Exactement, mais c'est beaucoup moins poussé pour le coup. Oui, bah pour le coup, ZBrush, ça reste un des logiciels les plus utilisés pour ça. Après, j'avoue que j'ai pas testé Substance et les solutions. Et je crois qu'il y a aussi une solution pour sculpter. Dans les produits de Substance, là, de l'algorithmique qui vient tout juste de se faire acheter par et Adobe. Qui est à Clermont-Ferrand. Big up Clermont-Ferrand. Par Adobe. Adobe, ok. Ou Adobe, oui. Je sais pas comment. Adobe. Pour les anglophones. Est-ce que toujours. C'est Adobe ou Adobe du coup? Adobe. Ouais, je Adobe. Sais pas. Bref, pour revenir sur Blender, oui, alors par contre, non. Alors pour revenir du coup sur ZBrush plutôt. ZBrush, ok, ça permet le sculpt, ça permet pas la modélisation vraiment en 3D, si. Bah si, mais ça, tu vas faire que du très high poly. Ouais. Et du coup, faut toujours repasser par une rotopo, surtout pour travailler dans le jeu vidéo. Mais en tant qu'artiste 2D. Je te promets que ZBrush, c'est la folie si t'as envie de te tester à la 3D. Enfin, je déteste faire la 3D parce que en soi, c'est un process qui me convient pas vraiment. Mais dès que tu passes sur ZBrush, c'est vraiment tu dessines ton modèle 3D. Et donc, c'est génial pour un artiste 2D de toucher la 3D par ce logiciel. C'est l'avantage aussi de Blender à l'inverse, quand t'es pas graphiste 2D, c'est d'avoir une autre perspective et de pouvoir créer quelque chose. Enfin, j'ai fait des meubles. Mais Je débute, hein. Tu commences souvent comme ça en 3D. Ouais, c'est hein. Ça. J'ai fait des canapes, des trucs comme ça. Et quand t'es pas artiste, je m'en sors mieux en 3D finalement. Parce que j'ai juste à regarder ma table et je me dis, bon, je vais faire pareil. Ouais. C'est ça. Moi, j'avais modélisé des panneaux de signalisation. Alors, c'était pratique pour faire des triangles, des ronds, des trucs comme ça. Des poubelles aussi. C'est très drôle, les poubelles aussi. Parce qu'il y a des formes un peu complexes et tout. Et après. Je m'étais attaqué à l'architecture et là j'ai commencé à en baver. C'est là où j'ai fait. Oula, bon, finalement la 3D. On va passer à autre chose. On va rester sur la com. Ouais, on va rester sur la com. La gestion de projet, la communication, c'est très bien. Et oui, du coup, Blender c'est open source. Toi, tu m'as dit que quand tu avais bossé sur Montpellier Discovery, quand tu as shippé Montpellier Discovery, les logiciels dont tu t'es servi, tu as dû payer les licences. C'était le cas pour Photoshop, Illustrator, ouais, etc. Bah, tout le long du développement, à chaque fois que tu te sers d'une licence, de toute façon, tu as besoin de. Comme Adobe qui est par mois, il y a tout ça. Et ensuite, tu as des licences à payer quand tu sors le jeu. Et ça nous est revenu à. Un chiffre énorme, donc si je peux avoir des logiciels open source, j'avoue que c'est le bienvenu. Parce que ouais, tu dois payer les licences. Eh ben oui, GIMP, alors parlons-en. Non. Non. Si vous voulez une alternative à Photoshop, il y a Affinity Designer qui est vraiment pas mal. C'est ce que tu disais, Vincent, avant en 9. Pour le painting, aussi, il y a un petit logiciel que j'ai utilisé justement pendant la globale qui est Paintstorm, où ça reprend tous les raccourcis Photoshop. C'est génial pour du painting. Mais après, forcément, il n'y a pas tous les petits outils de cache photo qui est dommage. Mais en plus, les logiciels Affinity, ils ont des fonctionnalités. Ils sont pas moins bien en fait, que les trucs d'Adobe. Ils ont certaines différences et parfois à leur avantage. Notamment, tu as les aperçus dynamiques de certains effets, des effets, je crois, sur Affinity. Ça permet d'avoir un rendu en fonction de la résolution directement en preview et ça, c'est pas mal. C'est ça. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'Affinity, c'est 50€ la licence à vie. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est pas cher du tout. Donc c'est pas cher du tout. Ouais. Les Painstorm, le logiciel dont je viens de parler, c'est 20€ licence à vie, pareil. Donc, pour le prix d'un jeu, t'as un logiciel. Ouais. Et si je mettais l'emphase du coup sur le fait que c'était open source et que toi, Marie, tu as dû payer tes licences Photoshop, etc., c'est parce que, en fait, quand bien même tu ships un jeu qui est free to play, eh ben tu dois quand même du coup payer des licences. Voilà, c'était juste pour ça. C'est pour ça qu'il faut quand même trouver de l'argent ou avoir. Des actionnaires qui sont payés de thunes, mais oui, voilà, il faut toujours avoir un peu d'argent pour créer même un jeu free. Et voilà. Bah, d'ailleurs, Vincent, je vais rebondir sur mon quad neuf par rapport à ça. Parce que du coup, moi, ce qui se passe en ce moment, c'est que je mets des sous de côté pour la réalisation de mon studio. Donc là, j'essaye de mettre 10 000 balles de côté, un peu pour faire jouer les effets de levier par rapport aux subventions. Mm-hmm. Donc commencer avec 10 000 euros, et après qui amène une subvention, qui permet d'aller chercher une autre, toujours plus grande, parce que je sais pas si vous savez comment ça marche, subvention, mais en gros, ils financent à hauteur du budget qu'on a déjà. Mm. Et du coup, ça permet de monter progressivement à une somme... qui est suffisante en fait pour développer le jeu. Alors si je peux rajouter de l'eau dans ton moulin, oui, ça peut être une somme monétaire, donc de l'argent clairement, mais tu peux aussi faire valoriser le temps homme que tu as passé dessus, donc les journées où tu as bossé sur ton projet. Tu peux le faire valoriser par un comptable et donc le valider comme un apport en industrie, ce qui permet de pouvoir gonfler un peu ton budget en valorisant le temps où tu as travaillé bénévolement et donc de dire bah si je m'étais payé ça aurait coûté une valeur d'un certain chiffre et ça permet de pouvoir arrondir un peu tes budgets quoi. Après c'est sûr que c'est pas si c'est l'intégralité de ton budget qui est comme ça il risque de te retoquer. Non mais c'est pour ça il faut de l'argent de base. C'est le conseil que j'aurais donné maintenant, c'est si vous voulez monter un studio, soyez bon. Cherchez pas à comprendre comment on fait telle ou telle chose. Mettez de l'argent de côté en premier lieu. c'est vraiment la chose que je trouve importante. T'as raison, je pense, là-dessus. Ouais, c'est un bon conseil. Ayez de l'argent. c'est toujours utile. Je pense qu'on peut arrêter l'émission là-dessus, gagner si... de la thune, c'est sûr. Drop de mic. C'est ça. Et juste un petit point sur le dernier quad neuf que j'avais fait dans l'émission. Donc j'avais parlé de création d'une chaîne YouTube. Donc vu que l'émission la dernière était il y a pas trop longtemps, en soi j'ai juste testé. C'était il y a un mois. Ouais, il y a un mois, mais ça, en fait j'ai juste cherché un petit peu les formats que je voulais faire. J'ai fait quelques écritures de vidéos. J'ai testé deux trois types de montage. Enfin, je cherche mon format avant de me lancer pour donner un peu une image, une direction artistique, mais c'est pas ça le mot que je cherche, mais à la chaîne quoi, une esthétique globale, une quoi, identité, une identité graphique, ouais, merci, ouais. Voilà. Et voilà. Je suis là pour ça. Et c'est tout. Merci Vincent. Et d'ailleurs, j'y pense, mais si tu as besoin de conseils d'un professionnel. Ça fait longtemps que tu n'as pas sorti de vidéo, Vincent. Voilà. Oui, bah, alors, attends, non, mais moi, j'y reviendrai dans l'auto-promo. Ok. Voilà. À tout à l'heure pour ça. Qu'est-ce que je veux dire Ben, un truc Par où commencer? Il y a plein de choses neuves. Hein, voilà. Non, bah beaucoup de travail sur Pushstart. Voilà, je continue à être relativement beaucoup trop impliqué dans cette association, mais voilà, c'est intéressant. Il y a plein de sujets brûlants et notamment les questions du pass culture en ce moment hein, qui font pas mal débat au sein du notamment du SNJV parce que. On a le droit à une faveur du gouvernement d'avoir été reconnu comme un art, donc d'avoir la possibilité d'être intégré au sein du pass culture. Donc ça veut dire qu'il pourra avoir des jeux vidéo français éligibles par les aides du CNC qui pourront être représentés au pass culture, donc des produits made in France, quoi, pure souche. Mais du coup, c'est bien. C'est cool, c'est une bonne avancée. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'on doit donner ces produits, donc les clés de nos jeux gratuitement ou gracieusement. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas très envie de donner logiquement des clés gratuites. Mais il n'est pas payant, le pass culture J'avoue que je ne connais pas les modalités, mais je crois que c'est... 500 euros Mais non, mais non c'est... Alors, je crois que c'est gratuit. Te donne 500 euros. T'as, voilà, tu as une enveloppe budgétaire à dépenser. Mais c'est pour les personnes qui ont quel âge? 18 ans. C'est pour les jeunes pour l'instant. Donc, ça doit être 18-25 ans ou 18-22 ans, je crois, le premier test. D'accord. Mais il semblerait que le projet du gouvernement soit de démocratiser ça à plusieurs catégories de population, donc y compris des jeunes, y compris peut-être des seniors un jour, de pousser sur des tranches d'âge supplémentaires. Donc c'est une bonne nouvelle qu'on puisse avoir du jeu vidéo dans une initiative gouvernementale comme ça. Par contre, voilà, ce revers, c'est un peu problématique, donc on essaie de trouver des solutions pour... C'était une bonne solution pour faire gagner de l'argent au studio, au contraire? Forcément. Si tu touches pas d'argent vu que tu donnes gratuitement les clés, c'est bizarre comme système. Oui, mais non, en fait. Justement, demander gratuitement des clés, c'est... Ouais, enfin, c'est du vol un peu presque. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne en fait dans les arts qui sont représentés dans le pass culture. C'est un peu ça qui est problématique, mais il y a certaines industries aussi pareil, la presse notamment aussi. Je sais pas si vous suivez par exemple Yvan Godet, le directeur des publications de Canard PC, qui a notamment parlé de ça sur Twitter. Donner de la presse gratuitement, c'est pas non plus une solution idéale pour les plus petits, donc forcément c'est un petit peu compliqué. Donc c'est un peu le sujet d'actu. Il y a eu un tweet du ministre de la Culture justement où on a été assez nombreux et quelques personnes à réagir dessus pour essayer de rebondir aux commentaires un peu hargneux des gens sur Twitter qui disaient « Ah mon dieu, le jeu vidéo c'est un art, donc ça veut dire qu'on va pouvoir acheter un Call of Duty à nos enfants et offrir un Call of Duty à nos enfants ». Bah non, vous pouvez pas acheter un Call of Duty puisque ce n'est pas un jeu made in France déjà. et du coup, ça limite quand même pas mal de choses. Ou un GTA, enfin bref, les Santerinois, je sais plus comment on dit. Je sais pas où tu veux en venir. Les retours qu'on nous fait. Les sempiternels, voilà, retour sur le jeu vidéo qui rend nos enfants violents. Il y a toujours GTA et Call of Duty dans la boucle. Exactement. Ouais, bon, bah, ils pourront acheter un Rayman, du coup. Ils pourront acheter un Rayman ou du DigixArt ou des jeux comme ça si les studios en question acceptent de donner gracieusement des clés pour éduquer les jeunes. Dac. Hop. On leur donnera du Adibou. Ça pourrait faire le jeu, par contre, de studios qui font du free-to-play, pour le coup. Ils peuvent donner des clés d'installation. ce des troll. Des lootbox. Ah, ça serait quand même beau, le troll. Je donne des clés free-to-play. Après, c'est pas un sous-genre de jeu vidéo. Hein. Il y a des jeux très bien en free-to-play. Hein. Ah oui, mais ce serait du troll. Je te donne la clé d'installation, alors que la clé est déjà gratuite. moi, je dis bravo. Ouais, tu peux avoir un pack de départ qui est offert à chaque personne qui vient avec le pass culture. Quoi. Oui, c'est vrai. Avec des gemmes en plus, des loot box en plus à ouvrir. Des Riot Points. Des Riot Points. Bah, si League of Legends était français, ça aurait pu. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, du coup, ouais, à moi. Oui, Vincent, c'est tout à toi. Voilà. Moi, j'ai postulé, j'ai postulé à une offre de stage en tant que QA tester chez The Game Bakers, donc qui a sorti Fury notamment en 2016. J'ai postulé trop tard. En fait, l'annonce est parue le vendredi. Et moi j'ai postulé lundi et lundi après-midi, et en fait quand j'ai postulé, j'ai eu une réponse du directeur du studio, Emeric Toa, qui m'a dit qu'il venait de valider avec quelqu'un qui me ferait signe s'il y avait un désistement, voilà. Mais du coup, pourquoi est-ce que... Parce que moi j'ai vu l'annonce passer vendredi et j'ai postulé que lundi. Pourquoi? Parce que avant de postuler, j'ai dû refaire mon CV, remanier un peu mon portfolio. Et ça aurait dû être fait avant. En fait. Donc voilà, c'est bête parce que apparemment, enfin, peut-être qu'il aurait quand même pris la personne qu'il a pris finalement, mais peut-être que si j'avais postulé suffisamment tôt, c'est moi qui aurais été pris et ça aurait été cool pour moi. Et voilà, donc vraiment. En gros, il faut avoir des CV de prêt, quoi. Bah ouais, toujours. Enfin, vraiment le faire régulièrement, mettre à jour régulièrement son CV, etc. Moi, en plus, ça faisait des mois que j'avais ça en tête, mais à chaque fois, je me disais ouais, une prochaine fois, etc. J'aurais dû le faire quand je m'étais dit que je devais le faire. Voilà. En gros, tu cherches un job, t'écoutes le podcast, à la fin du podcast, tu prends ton temps et tu vas refaire ton CV. Ah, mais exactement. Tu fais pas une chaîne YouTube sur ça, toi, par hasard? Si, mais justement. Non, mais tu sais, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, c'est ça le délire. Hein, voilà. Ouais, ouais. Mais il fait des très bons CV. Il est fort retard, mais il fait des très bons CV. Ouais, non, mais parce que du coup, ma candidature, apparemment, je pense pas que. Enfin, connaissant Emeric Toa tel que je le connais et vous aussi, je pense que si ma candidature n'avait pas plu. Ouais, voilà. Il m'aurait juste dit qu'il avait pris quelqu'un avant et que voilà, c'est trop tard. Là, il m'a dit qu'en cas de désistement, il me ferait signe. Donc, vraiment, je pense que j'avais mes chances et c'est vraiment ballot de ma part d'avoir postulé aussi tard parce que j'étais pas prêt à postuler quand il fallait. Voilà, donc un conseil, mettez à jour vos CV et tout ça régulièrement. Que de conseils dans ces quoi de neuf. Ouais. allez, on va passer du coup au sujet de la Global Game Jam. Ah, la Global Game Jam 2019, du coup, qui a eu lieu du 25 au 27 janvier, c'est ça les dates? C'est ça, exactement. Ouais. Ah oui, bah oui, tu connais bien Marie. Je les connais par cœur les dates. Voilà, on va y venir. Alors, est-ce que quelqu'un peut repréciser vite fait ce que c'est qu'une game jam? D'ailleurs, alors, on en profite, on l'a déjà évoqué en tout début d'émission, mais on a fait une émission sur le sujet déjà l'année dernière. C'est la première émission de Devon Retry, donc si vous voulez avoir un peu plus de détails là-dessus... allez l'écouter, était bien. sinon, du coup, une game jam, bon, tant que j'ai la parole, quoi, je vais faire court. Une game jam, c'est tout simplement un marathon de création de jeu sur 48 heures généralement, en tout cas sur un temps défini. Ça va rarement au-delà de la semaine. oui, il y a des. Il y en a au moins, mais c'est rare. Exception. Ouais. La plupart du temps, c'est 48 heures. Et c'est le cas de la Global Game Jam, et du coup c'est marathon de création de jeux vidéo sur un temps défini avec un sujet imposé, un thème, voilà, sur lequel on peut broder un jeu qui n'a absolument rien à voir d'ailleurs. Et il y a, en ce qui concerne la Global Game Jam, des diversificateurs qui sont rajoutés pour permettre d'orienter un peu plus la création dans une direction plutôt que dans une autre. Et la Global Game Jam, du coup, c'est cette game jam c'est la plus grande game jam du monde puisqu'elle a lieu en fait dans plusieurs pays, cette année 113 pays, simultanément, hein, je précise, ce qui a fait cette année 860 sites à travers 113 pays pour 47 000 jammers qui ont sorti à peu près 9 000 jeux. Grâce on a notre quota de chiffres. Yes. Mais 9 000 jeux, c'est impressionnant. Montpellier. En ce qui concerne Montpellier, il y avait 3 ou 4 sites. 3 sites. 3 sites. Donc Pushstart, Sudpixel et les Artefix, donc mon ancienne école. Ouais, voilà, c'est ça. Marie, Ben, comme vous avez été, Marie, tu as été lead organisatrice de la Global Game Jam avec Geoffrey, qui fait aussi partie de Pushstart, et Ben, tu as aussi participé à l'organisation. Est-ce que vous pouvez nous dire plus de choses sur celle qui a organisé Pushstart? Alors, pour celle qui a été organisée par Pushstart, c'était à l'espace Cap de Ville, tout proche d'Odysseum. C'est un bâtiment de la région, assez classe, je crois qu'on peut le dire. On peut le dire. Alors, il y avait de la moquette sur les sols et un espèce de truc doré partout, Ouais, très agréable la moquette pour dormir. Ouais. Oui. Dans cet espace Cap de Ville, on avait la salle sud de France, on avait aussi le hall d'entrée et la mezzanine qui permettait aux participants de dormir. Normalement. Ça, on en reparlera plus tard. on a accueilli 80 personnes au total, en comptant les bénévoles. Les bénévoles et les gens de la région. Les participants étaient au nombre de 60. Et la Global Game Jam s'est extrêmement bien passée. Pour vous résumer un peu les choses, on est arrivé, on a commencé à accueillir les équipes. Un cocktail a été organisé par la région, donc on a pu se mettre bien grâce à des petits vins tranquilles. Ouais, le brainstorming, là. Ouais, le brainstorming, ouais. Il était tranquille, quoi. Ensuite, ce qui est très marrant dans cette Global par Push, c'est que tout le monde est parti au resto vers 20h. Ils sont tous partis au resto boire des bières. Et au final, Je suis là, le resto bière. C'est ça. Non, parce que les trois brasseurs étaient juste à côté. Et j'ai retrouvé pas mal de gens, parce que moi aussi, j'étais boire des bières, mais c'est pas très sérieux. Juste avant de commencer vraiment le truc. À consommer avec modération. Et je les ai tous vus brainstormer, enfin beaucoup brainstormer aux trois brasseurs, et ça a commencé à partir de, on va dire, 22h, vraiment où tout le monde s'est mis à fond sur les jeux. C'est ce qu'on a fait, nous, Guy. C'est un peu près, ouais. Ouais. Oui. En fait, c'est simple, on a commencé vraiment à brainstorm à partir du moment où on avait mangé. Alors, parce que du coup, Guillain et moi avons participé à la Global Game Jam, du coup, en tant que participant et pas en tant qu'organisateur. Et on va, du coup, revenir tout au long de cette émission sur notre expérience. Comment ça s'est passé, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais alors, juste avant qu'on rentre là-dedans, j'ai profité du fait qu'il y ait des mentors à cette Game Jam, donc des professionnels du jeu vidéo qui étaient venus soutenir les équipes, donner quelques conseils, etc., pour en interviewer quelques-uns. C'est le cas de Colette Pogam que je vais laisser se présenter. Oui, alors Colette Pogam, je suis junior level designer à Ubisoft Montpellier sur Beyond Good and Evil 2. Ah oui, c'est un début de carrière plutôt sympa. Et alors, quel conseil tu as donné aux participants de la Game Jam jusqu'à présent ? Le principal conseil que j'ai donné, c'est de dormir à ceux qui n'avaient pas encore dormi, parce que c'est assez important. Et aussi vérifier que chacun... fixent bien des priorités dans leur projet pour pas qu'ils soient trop déçus à la fin et qu'ils aient un petit jeu au moins auquel tout le monde peut jouer et qui correspond à peu près à leurs attentes. Parce que bon, comme pour certains ici, c'est leur première game jam, c'est vrai qu'ils se fixent des très grands objectifs, mais, Mais l'intérêt, c'est aussi de, au moins d'avoir un petit truc utilisable à la fin auquel ils pourront jouer et qu'ils pourront montrer aux autres, je pense, comme ça, ils seront fiers après. Et dis-moi, Colette, est-ce que tu as un conseil pour level designer spécifiquement ? Le plus important dans le design, c'est aussi de le tester. Du coup, c'est vrai qu'au début, on va le faire sur papier, mais c'est pas forcément ce qu'on va garder à la fin non plus. Donc ça dépend du temps disponible déjà, s'il y a de la taille de l'équipe. C'est vrai que quand on est nombreux, au début, le designer, ça peut être cool qu'il commence à réfléchir un peu au level design et tout. Mais finalement, c'est quand on commence à avoir un petit prototype que ça devient le plus intéressant de voir les possibilités en level design, souvent. Parce que là, on peut vraiment tester quoi, en direct. Je trouve qu'en jam, pour des cours, des jeux qu'on fait dans des courtes périodes comme ça, le mieux, c'est de ne pas se fixer forcément au premier level design qu'on a dessiné et qu'on a choisi. Le mieux, c'est quand on a le temps de le tester et comme ça, de pouvoir le modifier un maximum, vraiment pas rester fixé quoi, et de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux au final, je pense. Tu veux dire qu'on devrait d'abord créer des boucles de gameplay, s'assurer qu'elles fonctionnent et à partir de là, créer un level design qui s'y adapte, voire en découle naturellement ? Ouais, voilà, je pense que c'est ça. Parce que le level design, au final, ça va être aussi assembler des situations dont on a remarqué qu'elles marchaient bien, qu'elles fonctionnaient bien dans notre jeu. Donc une fois qu'on a testé quelques situations, on se dit qu'elles fonctionnent bien. Ensuite, on va pouvoir encore mieux réfléchir à comment est-ce qu'on va faire pour qu'elles s'enchaînent dans le jeu, comment, de la manière la plus intéressante possible, on va pouvoir les mettre en scène dans notre jeu, quoi. Merci, Colette. De rien. Et merci aussi. Formidable. Colette. Elle est trop cool, Colette. Elle est trop cool, Colette, ouais, exactement. Vous voulez revenir sur des choses qui ont été dites dans cette interview ? Oui, dormez, c'est important. Ouais. Vraiment. Oui, alors... Arrêtez de vous la jouer, genre oh, c'est pas grave, je dors pas. Et le lendemain, on vous voit et on vous fait t'aurais dû dormir. Oui, oui, il faut dormir un peu, mais après. Juste par rapport à cette interview, il y a certaines choses sur lesquelles je voudrais rebondir, mais je pense qu'il faudrait d'abord qu'on décrive un peu ce qu'on a fait sur notre projet pour bien rebondir par rapport à l'interview. Ok, tu veux qu'on commence ? On commence par la constitution de l'équipe ? Ouais, je pense. Ouais. Oui, c'est un bon début. Hein. Ouais, ouais. Je refais juste un point là-dessus sur la constitution des équipes. La constitution des équipes était totalement libre. Ils sont vus et ils ont constitué comme ils voulaient. Donc il pouvait y avoir 15 graphistes, 2 prog. Mais je crois que c'était pas trop mal pour vous. Ouais, ouais, on a complètement profité de ça. Ouais. En fait, on était 8. On était 8 et c'était peut-être un peu beaucoup. Pour moi, il aurait fallu un graphiste de plus. Mais... Ouais. En fait, oui, c'est ça. En plus, on était 8 et on n'était pas spécialement équilibré. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que il était prévu que j'y aille avec Guilin. Guilin, oula. C'est pour Kingdom 3. Merci pour la saturation. De rien. Donc Guillaume en tant que graphiste, moi en tant que game designer, et j'avais prévu qu'on ait au moins un professionnel dans notre équipe. Je me suis tourné vers Mathieu Montreuil qui était venu dans l'émission de la Global Game Jam de l'année dernière. Vous pouvez le retrouver dans cette émission. Et donc Mathieu Montreuil qui reparticipe à cette Game Jam là, et donc lui il a un profil très intéressant parce qu'il est à la fois game designer et programmeur. Donc c'est cool. On se complétait bien jusque là. Sauf que je vais voir Mathieu, je lui demande s'il veut rejoindre notre équipe, et là il me dit oui, moi, pas de problème. Par contre j'ai dit à Nicolas que on se mettait ensemble, Nicolas donc, et programmeur aussi. Et donc on s'est dit d'accord, hein, ça fait deux programmeurs, c'est bien, ça marche bien. Alors, mais en fait Nicolas, quand on allait chercher lui, il a ramené quelqu'un avec qui il s'était déjà mis en binôme, qui était une autre programmeuse, Aude. Oui. Elle est programmeuse à la base ? Oui, en principe elle est programmeuse. D'accord, parce qu'elle a fait de la 3D. Il a bien fallu se diversifier, oui, effectivement. Mais je crois que c'est le cas de Nicolas aussi qui a bossé. Oui, vas-y. Donc, Aude programmeuse, ok, 3 programmeurs, ça commence à. Oui, hein, on se dit qu'on va avoir un jeu qui sera pas trop buggé. Après. Spoiler, c'est faux. Oui, c'est complètement faux. Ah oui, puis en plus, j'avais prévu d'y aller avec Guillaume, j'avais aussi prévu d'y aller avec Thibaut, qui est un ami à moi, qui est dans une autre école de jeu. Créa jeu, du coup. Voilà. Et Thibaut est aussi programmeur. Donc là, en fait, on arrive à 4 programmeurs. Et puis on a croisé Marie Legrand, hein, pas, voilà. Marie Legrand qui était aussi venue dans la Global Game Jam dans l'émission de la Global Game Jam de l'année dernière. Donc Marie Legrand, programmeuse évidemment, qui nous voit avec Mathieu Montreuil et tout, et une petite équipe Pouchetart qui se constitue, et donc elle fait oh, je peux venir, Marine Legrand étant de Pouchetart aussi. Donc, oui, bah oui, viens, on est de fou, plus on rit, tu vois. À ce moment-là, la blague aurait été de faire un jeu en ASCII. Ouais, carrément. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui. Il y a Marilou. Marilou nous a rejoint. Marilou était son designer, donc pas de soucis. Bienvenue. D'ailleurs, c'était une game jam où il y avait, sur le site de Pouchetart, il y avait une vingtaine de sound designers, c'est ça ? Non, une dizaine. Il y avait 13 sound designers, exactement. Ouais. Moi, c'est pas mal. Ce qui était beaucoup pour 80 personnes. Avec ouais. les. Il y en avait deux par équipe, certaines fois, c'était bien drôle. Il y avait une équipe où ils étaient 50% de l'équipe, c'était beau. Oula, non, ils étaient trois quarts, ouais, plus du coup. Bah, deux sound designers et. Il y en avait trois. Trois ? Ouais, il y en a un qui est parti très tôt, mais il y en avait trois. D'accord. Ouais. Et donc, là, ouais, on était 8, donc je vous ai énuméré toute l'équipe. Donc forcément, bah, il a fallu qu'on se diversifie un petit peu. Aude s'est donc chargée de la modélisation 3D, donc elle a assez peu touché à la programmation, je crois. De fixe, ouais. Mais ouais. En fait, on s'est plus ou moins attitré des postes en fonction. Mm-hmm. Donc moi, j'étais graphiste 2D, on va dire, je me suis chargé aussi d'un peu de la direction artistique. Mm-hmm. Enfin, j'essayais. Et après, ouais, les programmeurs se sont rapidement répartis les tâches avec Vincent qui a fait du game design avec du level design. Mmh. Alors, oui, non, il y a quelqu'un qui voulait. Non ouais, d'un point de vue extérieur, vous étiez une équipe totalement calme, hein, je vous entendais jamais. Ah bah, oui, non, mais toi, en même temps, on a bien entendu la première nuit. Sans parler de ça, tu vois. Vous étiez l'équipe tranquille. Ouais, mais on est toujours sage. Bah, il n'y avait pas de tension. Non, mais c'est bien. Tout allait, ouais. avait l'air fait, de bien ouais. se dérouler. Mais c'est ça. En fait, c'était une équipe où tout le monde se connaissait, excepté, je pense que Marie-Lou n'était rattachée à personne de l'équipe. Non, il y avait, je crois, deux ou trois personnes que je ne connaissais pas. Donc, ouais. Il y avait Aude, Marie-Lou et Thibaut. Voilà. Bon, moi, en tout cas, je connaissais tout le monde et tout le monde se connaissait presque. Donc, forcément, c'était pas. Ouais, voilà. Il n'y a pas eu de conflit. On savait qu'on s'entendait bien, globalement. L'intérêt d'une game jam aussi, c'est de faire des rencontres et de développer son réseau par la même occasion. C'est vrai que moi, étant donné que c'était ma première game jam, j'étais. J'avais un peu de confort. J'avais envie d'avoir un minimum de zone de confort et donc ça passait par avoir une équipe de personnes que je connaissais. Pour les prochaines game jam, je mettrai avec des personnes que je connais pas, mais bon, au moins pour celle-là, je voulais au moins voir ça. Tu sais, honnêtement, par rapport au fait de rencontrer du monde, je me suis souvent rendu compte que quand tu fais des jeux avec des gens que tu connais pas, bah, souvent il y a des trucs qui foirent. Complètement. Ouais. Parce que du coup, tu connais pas les compétences des personnes, il y a certaines choses que tu connais pas et tu vas arriver en fait à. Enfin, moi, il y a des game jams où j'ai fait ça, où du coup, j'avais fait une certaine production d'assets, mais les progs ou. Ça me rappelle une game jam, Guillaume, qu'on avait fait ensemble. Ouais, tu vois. C'est dingue. Bah, du coup, ouais, pareil, bah, d'ailleurs, tu rencontres des personnes sympas, à la fin, tu fais des podcasts avec eux. Ouais. Non, mais par contre, le jeu, concrètement, complètement buggé, on ne pouvait pas donner ça en l'état, donc Marie qui avait tenté de faire une version sur la Click programmation Team, de dernière minute, quoi. Sur Click Team, et c'est pour ça qu'avec une équipe où tu connais les gens et leurs compétences, bah, ça te permet de sortir un titre qui est fini à la fin, et là, c'était l'avantage qu'on avait, quoi. Après, ça t'empêche pas de rencontrer d'autres personnes, parce que... Vas-y. Non, vas-y. Pendant les repas, j'ai vu plein de personnes se rencontrer, faire des débats philosophiques, même politiques sur des trucs, et après devenir super potes à la fin alors qu'ils n'étaient pas dans la même équipe. Pour ça, c'est cool. Mais oui, c'est bien aussi de mélanger un peu. Je pense que tu as rencontré peut-être Marilou, tu connaissais pas ? Ouais, Marilou, Thibaut. Oui, ouais. Après, tu rencontres toujours des gens. Enfin, c'est une game jam. Tu parles forcément aux gens, sauf si t'es vraiment dans ta bulle. Ouais, ça arrive. Vas-y Ben, tu voulais troll, je crois. Non, je voulais trop prendre sur le titre fini qui me faisait un peu tiquer. Genre un titre fini après une jam. Un prototype plus élaboré que la moyenne, peut-être. Ce serait le genre, meilleur disons, terme. Un titre fini de jam. Un jeu qui tourne. Après, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des jams où, avec une ou plusieurs inconnues de personnes. Ça s'est à chaque fois bien passé, donc j'ai jamais eu de problème, et même des jeux qui sont tournés et qui ont des trucs complètement improbables avec un programmeur qui intègre 15 mini-jeux d'affilée à la fin, complètement improbable, mais bon, enfin, c'est... Je suis pas sûr que ça soit foncièrement lié au fait de connaître un peu les personnes ou pas. Après, c'est sûr qu'avec quand tu connais les gens, voilà, tu sais leur capacité, où tu vas aller, tu connais les capacités, et c'est plus simple de, on va dire, de cadrer la prod, quoi. C'est sûr. Ouais. Ben, en fait, on se connaissait tous, mais est-ce qu'on on connaissait vraiment ce dont chacun était capable? Moi, je suis pas sûr, hein, parce que bon, Mathieu, ok, on sait que c'est un professionnel, il travaille chez Game Makers maintenant, etc. Bon, lui, il y avait pas trop de doutes qu'il savait ce qu'il faisait. Mais oui, voilà. Bon, c'est vrai que oui, mais on n'avait jamais travaillé ensemble, donc on aurait pu avoir des surprises quand même. Ouais, mais enfin, disons que tu savais que les gens savaient ce qu'ils faisaient. Tu vois, parce que dans certaines jams, souvent, tu te retrouves avec des programmeurs qui vont te dire « Eh les gars, on va faire notre moteur. » Et bah, très souvent, on va pas se mentir, ils ont pas fini avant la fin de la jam. Et du coup, ton jeu, il tourne pas. Donc ça, c'était un désavantage. Bon, alors du coup, juste pour revenir sur cette équipe orientée programmeur où il a fallu du coup que chacun fasse un peu autre chose par moment. Nicolas, du coup, bah, programmeur à la base, lui, il sait aussi faire du sound design un petit peu, donc finalement, il s'est chargé que de ça, je crois, à peu près. Non, il s'est chargé de la composition. De la composition, c'est vrai. Bon, après, voilà, moi j'ai fait du level design, de l'écriture. Guillain, tu as dit, c'est... Bah moi j'ai fait au début, la première soirée, nuit, journée, j'ai fait pas mal de gestion de projet avec Mathieu. Une fois qu'on a eu le concept dont tout le monde s'est mis d'accord après le repas, d'ailleurs concept où c'était assez drôle parce que le temps qu'on se mette d'accord, on avait trois prototypes qui avaient émergé, on en reviendra peut-être après. Mais en gros, moi, ouais, j'ai fait pas mal de gestion de projet avec Mathieu, et juste après, je me suis attelé à faire du concept, de l'UI et de la création d'assets pour le projet tout en 2D. C'était une première pour toi, le rôle de chef de projet Chef de projet, clairement. Et d'ailleurs, j'ai fait certaines erreurs en termes de gestion de projet, surtout pour une jam qui, au final, je me dis, j'aurais pu largement mieux faire en me disant... ça me servira d'expérience pour la prochaine. J'essaierai de ne pas refaire ces erreurs, mais notamment sur la prioritisation des tâches. Où, par exemple, en fait, on avait fait donc avec Mathieu, une fois qu'on avait notre concept qui était fait, on le tease, on ne sait toujours pas que ça a été fait. Mais du coup, une fois qu'on avait la liste des tâches qu'on devait faire, de mettre en priorité certaines tâches, en fait, j'avais, on va dire, séparé les différents types de boucles de gameplay qu'on pouvait avoir. Alors que j'aurais pas dû prioriser dans ce sens-là, j'aurais dû prioriser la boucle de gameplay principale et ensuite de faire des tâches supplémentaires, donc des sprints en méthode agile, de faire un sprint intégral sur la première boucle de gameplay et d'ensuite implémenter les autres boucles. Et en termes de gestion, on aurait eu un jeu qui aurait été beaucoup plus polish et avec beaucoup moins de bugs à régler à la fin. Bah, on va entrer un peu plus dans le détail parce que on va dire c'est quoi le projet, etc., pour que on puisse et on pourra rebondir sur l'interview de Colette, puisque oui, tu as fait du LD, voilà. Donc tu vas voilà. nous parler de ça. Alors du coup, début de la jam, le thème est révélé, le thème étant what home means to you, donc qu'est-ce que maison signifie pour vous. Là, on a tous eu des idées, forcément. On a Mathieu a géré un peu le brainstorming. Il nous a mis des feuilles sur toute la table. Il nous a demandé de sortir toutes les idées qui nous venaient à l'esprit avec ce thème-là. On les a notées sur papier, toutes les idées. Et ensuite, on est allé manger. On est allé manger tout en discutant, continuant à développer sur le sujet. Et on est revenu sur le site de la jam avec trois concepts. Il y en a un où on devait construire un jeu coopératif, où il y en a un qui construisait un igloo et l'autre qui devait défendre le joueur qui construisait l'igloo, donc le défendre des dangers comme des ours polaires par exemple. C'est un espèce de tower defense, ouais. Où on devait construire la tour, quoi. Le deuxième concept qu'on n'a pas gardé, je sais plus trop ce que c'est. C'est vrai qu'il devait pas être très important, celui-là. Il ressemble, c'était un mix des deux, je crois. Je sais plus. En tout cas, c'était le concept qui a été le plus vite écarté. Ouais. Donc, bref, passons. Ouais. Et du coup, le concept que l'on a gardé, c'est celui d'une capsule spatiale qui pouvoir rejoindre la Terre, un peu le pitch de Gravity, quoi. Si vous êtes dans l'espace, rien ne se passe bien, vous devez rejoindre la Terre, vous votre foyer. Rentrer à la maison. Voilà. C'est ça. Et voilà, il faut parvenir à y rentrer alors que c'est la catastrophe. Et du coup, vous êtes à bord d'une navette spatiale vue en coupe. C'est un jeu en 2D vu en coupe avec deux joueurs qui doivent coopérer, éteindre les incendies qu'il y a aux différents étages de la navette, réparer les moteurs, réenclencher le générateur électrique pour permettre à la navette de continuer à fonctionner un temps soit un peu, pour permettre d'atterrir, rentrer sur Terre avec une jauge d'oxygène qui n'est pas complètement vide parce que la jauge d'oxygène ne cesse de diminuer et elle diminue plus vite forcément si vous avez des incendies ou si le générateur électrique est en panne, bah du coup on descend plus mais l'oxygène continue de descendre lui, donc, donc voilà, il faut s'occuper de tous les problèmes qu'il y a à l'intérieur de la navette pour rentrer en trois mots: Overcooked, platformer, espace. Ok, ouais. Une question pour vous, quel rapport avec le thème? Il faut rentrer c'est le à sa maison. C'était voilà. De rentrer à la maison. Il n'y a pas que homme hein, dans le thème, il y a what's home means to you. Ouais. Oui, on s'est plus servi comme prétexte. Et... D'accord, non, mais c'est pas un reproche. Hein, ah, non, mais concrètement, tout le monde a fait ça. De toute façon, les thèmes de Jam, on va pas se mentir, c'est juste un prétexte c'est à la création. C'est un prétexte, exactement. Ouais. Ça te donne des idées. Bah, d'ailleurs, on a vu un jeu, tu l'évoquais Marie, une soirée de présentation des protos de la Game Jam, un jeu Freddie Mercury. Oui, qui n'avait était plutôt sympa, mais ouais, on il le était rapport. Très sympa, mais on n'a pas vu le rapport. De toute façon, j'ai fait un jeu aussi qui n'avait aucun rapport avec la maison, enfin un peu, mais... Ouais, mais c'était la mascotte. Voilà, ton c'était jeu. La mascotte. On y reviendra tout à l'heure. Bah, ton jeu, oui, on va y revenir, mais il se déroulait dans une maison, donc c'était très littéral. Oui, c'était très littéral, mais la maison signifie pas ça pour autant. D'accord. Bon. Bref, donc on est parti sur ce concept-là. Ça nous a pris la nuit. On a commencé à le thème nous a été donné à 17h ou 18h. Ouais, 18, je crois. Et on est parti sur un concept. Il était 2h du matin. Non. C'est à 2h du matin, en fait, on était fixé sur les tâches qu'on devait faire. Ah, d'accord. Ouais. Et donc on va dire qu'on a cristallisé le concept. Il devait être minuit moins le quart, un truc du genre. D'accord. Donc et à partir de là, une fois qu'on avait ce concept qui était cristallisé, donc entre temps, moi je m'étais mis un peu à l'écart des réflexions, j'avais commencé à gribouiller des concepts du coup, notamment sur le premier. Donc j'avais dessiné avec un Inuit avec une espèce de mitraillette qui tire sur des ours. C'était assez drôle. Et donc une fois que les discussions étaient plus ou moins terminées là-dessus et que tout le monde s'était mis d'accord, donc on a listé toutes les tâches qu'il y avait à faire pour faire ce jeu avec Mathieu. Mmh. Donc on s'est mis à deux pour faire un petit peu de gestion de projet. Et à partir de 2h du matin, donc moi je me suis mis sur Hack and Plan. Donc Hack and Plan, c'est un logiciel en ligne qui permet de s'organiser et qui est dédié aux jeux vidéo. Donc ça permet, avec des méthodes agiles, de découper en sprint avec des milestones et d'assigner des tâches spécifiques à des gens. Et donc à partir de 2h du matin, je dirais, je me suis mis donc à lister toutes les tâches qu'on avait, à les mettre en priorité en fonction des sprints, et en décrivant spécifiquement les mécaniques de gameplay. Donc j'ai fait à la fois un travail de documentation sur le game design et de gestion de projet pour la répartition des tâches. Et c'était très utile et ça a été très apprécié puisque justement le lendemain, on était l'équipe de concrètement, nuit. Concrètement, j'ai pas dormi. Voilà, on était l'équipe de nuit et mais du coup, les gens qui sont arrivés le matin étaient contents de savoir ce qu'ils avaient à faire et de pouvoir commencer à travailler tout de suite. Et c'est pour ça, par rapport à l'interview de Colette, justement, dormir, ok. Mais on peut répartir les temps de sommeil aussi. Moi, je pense que le travail qu'on a fait au début de gérer toute cette gestion de projet, que c'est important de le faire et que comme ça, quand les gens arrivent le matin, qu'ils sachent quoi faire et comme ça, on a une prod qui roule et où il n'y a pas besoin d'être constamment réveillé parce que les gens, ils connaissent le plan. Donc, ils n'ont pas besoin de te solliciter pour savoir ce qu'ils doivent faire, quoi. Simplement. Vas-y, troll. Non, je vais m'abstenir. Ouais, non, allez, fais-toi plaisir. Je crois que c'était pas utile, les chefs de projet en Jam. Qui c'est qui a dit c'est ça? C'est toi qui a dit ça? C'est qui? Non. Non. Ah. Non, bref, c'était pour faire écho à une discussion qu'on a eue pour l'organisation de la Global non, Game non, Jam. Non, on a dit que c'était utile, mais casse-couille. C'est différent. Mais t'étais pas chef de projet actuellement, Marie, sur mais les Game Jam en Game Jam ouais. Non, pas en Game Jam. Ah. En fait, je fais toujours chef de projet. sur le principe, mais je fais toujours autre chose à côté. D'accord. Ce que je disais à Ben, c'est juste chef de projet, rien d'autre à côté. Ça peut être pénible pour certains. Je dis pas que c'est pas utile, je dis que ça peut être pénible et que ça peut ralentir une équipe. Ouais, ça peut faire petit chef. Moi, ça a créé des conflits, notamment sur une, je me souviens très bien, où il y avait un chef de projet qui s'était autoproclamé et qui faisait rien d'autre. Ça a créé des sacrés conflits. Parce que du coup, on avait l'impression. Mais chef de projet, ça veut c'est dire. C'est un problème de personne, c'est pas parce un problème de spécialité. Chef de projet, ça veut dire qu'il organisait les tâches ou ça veut dire qu'il prenait les décisions? Parce que c'est pas pareil du tout. Voilà. Non, c'est la différence entre un producteur et un chef de projet, pour le coup. Non, il y a honnêtement, producteur et chef de projet, c'est exactement la même chose. Du coup, on parlera juste de ça. Un producteur, on pourra faire une émission dédiée à la voilà. gestion de projet et aux jeux vidéo. Mais en fait, chef de projet et producteur, c'est exactement la même chose. En fait, c'est juste que le producteur, c'est le nom donné par l'industrie du jeu vidéo au producing, mais sinon c'est strictement aucune différence. Ah, mais en fait, je te dis ça parce que j'ai bossé en tant que commercial et un chef de projet dans du commerce, ça a quand même rien à voir. Et je préfère mettre le terme producteur dans le jeu vidéo parce que les rôles sont bien différents. Bah, c'est exactement la même chose en fait. Le producteur, c'est un chef de projet, c'est juste la notion de chef de projet qui est juste un peu différente. Mais bon, bref, on en pinaille, on pinaille. Il faut une émission entière, je pense. Moi, du coup, je m'étais lancé à la base en tant que game designer. Il se trouve que j'ai pas mal appris pendant cette game jam parce que je me suis dit, bon, je vais faire du game design, donc ça va être à moi de trouver le concept, ça va être à moi de trouver les mécaniques, les règles de jeu, etc. En fait, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait le prendre. Il s'est heurté à la réalité du terrain. Déjà, moi, il y a un truc, c'est que je suis quelqu'un. Généralement, je coupe pas la parole. Je prends la parole quand il y a un silence. Voilà. Quelqu'un d'assez diplomate. Il se trouve que quand c'est un moment de brainstorming, c'est bien si ça peut se passer comme ça, mais je crois que ça ne se passe jamais comme ça. Et moi, en fait, à chaque fois, j'attendais ce fameux moment où je n'aurais coupé la parole à personne, mais ce moment n'arrivait jamais. Et en fait, j'ai pu donner très peu d'idées pendant le brainstorming parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour réenclencher, etc. Bon, alors déjà, du coup, sur ce côté-là, brainstorming, je n'ai pas assuré parce que finalement, j'ai pas filé beaucoup d'idées. Et puis... Tant qu'elles étaient pertinentes, donc après... Oui, évidemment, mais bon, voilà, elles étaient rares, du coup. Et aussi, l'autre truc, c'est que... C'est quoi l'autre truc? Je sais pas, c'est toi qui parles. On peut pas te dire. Alors, attends. L'autre truc. Attends, parce que là, il y a eu un shoot de micro. Ouais, carrément. On va devoir couper à cet endroit-là. Mais tout le monde, en fait, dans une game jam, de toute façon, donne des idées. Donc, en fait, finalement, c'est pas forcément là qu'on attend le game designer. Parce que c'est pas possible de dire en moment de brainstorming à toute l'équipe, bon écoutez, laissez-moi 2 heures, je reviens vers vous, attendant, je sais pas, faites un joueur Rocket League, c'est pas possible. Tout le monde donne des idées, tout le monde est à chaud, tout le monde est chaud, donc voilà. En fait, moi ce que j'ai compris, c'est que finalement le boulot d'un game designer dans une game jam, c'est pas d'avoir les idées, mais c'est d'affiner les idées de l'équipe. C'est de dire ok, toi t'as cette idée là, vas-y, explique-moi comment ça marche. C'est d'affiner vraiment et de faire ressortir vraiment ce qu'il y a d'intéressant dans le truc et de définir le concept ensemble et d'aider surtout les autres à avoir des idées qui marchent. C'est pas con ce que tu dis. Bah, surtout que dans la réalité, en fait, tout le monde s'improvise game designer. Ouais. Concrètement. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Bon, en fait c'est hyper facile d'avoir une idée dans le jeu vidéo donc. Ouais après c'est en fait là où la vraie prise de valeur elle se fait c'est comment tu agences les idées comme disait Vincent quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup? Après globalement c'est juste la prod qui s'est passée une fois que les tâches étaient faites donc ça a avancé régulièrement. Après c'est juste la création d'assets, créer les concepts pour la modélisation 3D, faire des mock-ups. Donc moi ça c'était mon travail une fois que la gestion de projet était faite, de réaliser en gros le mock-up. Donc c'est on va dire le visuel qui sera représentatif du jeu une fois fini. Donc j'ai fait ça avec un petit travail d'UI une fois qu'on savait quelle barre placer, quelles informations étaient pertinentes. Et après voilà, c'est du travail d'asset et d'intégration donc Ouais. Du coup j'ai fait du level design par contre un petit peu. Alors le level design il est pas complètement sorti de mon cerveau, c'est à dire que pendant qu'on travaillait sur le développement du jeu on travaillait sur papier donc on avait déjà une idée assez presque finale de ce qu'allait ressembler le jeu de façon schématique. Moi, je me suis chargé du coup de le mettre, voilà, d'en faire un modèle sur Illustrator pour qu'ensuite, à l'intégration, les gens faire un modèle à l'échelle pour qu'ensuite, lors de l'intégration sur Unity, il n'y ait qu'à suivre voilà, le plan assez facilement. C'était pas très fun, mais bon, ça a servi. Ça a servi. Après, c'est pour l'équilibrage, c'est un truc qu'il fallait que le jeu il fonctionne. Ah oui, en refaire, mais. T'as vraiment fait un boulot de LD, quoi. Ça t'a fait une expérience rapide. Mais après, c'est. Après, tu t'es rendu compte que c'était pas fun non plus. Sortir le jeu un peu plus vite, quoi. Si on avait sorti les mécaniques un peu plus vite, Vincent aurait pu vraiment travailler, pousser un peu plus sur LD. C'est ce qu'a dit Colette, justement, sur son interview. Elle a dit qu'il fallait le tester. Et le bouger selon plein de choses. Et donc c'est extrêmement difficile de faire du LD en game jam, mais c'est bien de le faire parce que c'est. Je pense que t'as fait gagner du temps au prog en faisant ça. Ouais, beaucoup de temps. C'est pour ça aussi que je regrette un peu ma gestion de projet parce que je pense que si j'avais mieux géré, on aurait eu le temps de sortir le projet. Mais c'est pareil pour toi, tu tentes. Hein. Oui, non, mais après, c'est, tu vois, c'est quelque chose. C'est... En fait, une jam, c'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est un condensé d'expérience. Quoi. Ouais, c'est et ça. Tu en ressors plein de trucs très c'est rapidement. C'est un lieu pour expérimenter. Donc, ouais, t'as expérimenté la gestion de projet en jam, bah, voilà, comme ça, tu en sauras grandi. J'ai appris pour plein le de reste, trucs. Quoi. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est de comme. La gestion de projet. Bah, moi, je kiffe. T'as aimé? Je kiffe. C'est arriver et donner aux gens les directives pour que ce qu'il y a dans l'imaginaire commun de toutes ces personnes, ça ressorte et que tu as un projet qui sorte à la fin. C'est génial. Ouais, c'est cool. Bon, et on va clore le débat maintenant parce qu'on va amener une petite pause musicale de la musique de la mascotte donc, de l'événement Push Start qui a été le personnage principal du jeu qui a développé Marie. Donc c'est parti pour la musique de Pip Ours. Une nouvelle journée commence pour Pip Ours. Alors, comment va-t-il bien pouvoir l'occuper? Pip Ours. S'est réfugié dans une imprenable forteresse de solitude. Pip Ours a décidément passé une journée au top. Encore une journée bien banale dans la vie de Pip Ours. Une envie pressante. Ah, Pip Ours est enfin soulagé. Pip Ours a la gorge bien sèche maintenant. Ça m'a l'air bien fatigué. Pip, ours, pip, pip ours, pip ours, pip ours. Attention, Pip Ours est à bout de force. profond coma dont il sera bien difficile de se réveiller. Pauvre Pipours, ce n'était pas vraiment son jour. Après cette pause musicale, c'est l'instant publicité Radio Kawa. Si vous souhaitez découvrir les jeux vidéo de l'intérieur et d'en savoir plus sur leurs créateurs, découvrez... Wow. Attends. Si vous souhaitez découvrir les jeux vidéo de l'intérieur et en savoir plus sur leurs créateurs, écoutez la Dev Team. Marc, William et leurs invités partagent avec vous leur point de vue de développeurs sur des sujets liés à l'industrie du jeu vidéo. D'ailleurs, la formule évolue cette saison, puisque les épisodes alterneront un mois sur deux entre la France et le Japon, avec toujours une partie d'actualité et une partie reportage et interview. Vous retrouvez la Dev Team chaque mois sur Radio Kawa. Vous retrouvez la Dev Team chaque mois sur Radio Kawa. Ah, c'était presque parfait. T'as la phrase, je la reprends, donc sachant qu'il y a une pause... Il y a des pipes, il y a des ours, des ours. C'est vrai que là, c'était qu'un extrait de la musique, mais on a un super clip qui va avec. Il faut voir le clip. Que Vincent mettra... Enfin, un trailer, d'ailleurs, c'est pas un clip, le clip va venir. Bah alors oui, bah alors, est-ce qu'on peut retrouver cette magnifique chanson quelque part? Parce que là... Eh ben justement, mon collègue Geoffrey est la personne qui a fait ce magnifique son, qui est Aymeric Schwartz. Voilà. Voilà. Vont faire un clip le week-end prochain, ensemble. Donc vous pourrez le retrouver bientôt sur YouTube. Ok, bah du coup on mettra absolument le lien. Du coup, quand l'émission sortira, le clip sera pas encore sorti, je crois, mais du coup, on le mettra à jour. Voilà, ouais. C'est ça. Qu'est-ce que Pipours ? Oui, alors, oui, c'est quoi ? C'est quoi ce truc Si tu me permets. Il n'y a pas de souci. Avec Geoffrey, on était orga de la globale pour Pushstart. Et on a décidé de rester sur place un maximum de temps possible avec les bénévoles, et souvent il n'y avait pas de bénévoles la nuit, donc on devait rester éveillé. Et on s'est dit que rien de plus motivant que de faire un jeu en game jam, même si on est organisateur. Et on s'est rapidement rendu compte que Colette, qui est venue en tant que bénévole, adorait Pipours, et elle a aussi décidé de le faire avec nous. Pipours, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui est intégré avec un makemake. C'est un Tamagotchi, pour ceux qui ne connaissent pas le makemake, je crois que ça se dit comme ça. C'est un petit appareil qui vous permet de faire de n'importe quel objet conductible une manette. Et nous, j'avais ramené un petit ours en peluche qui s'appelait Pipours. Et on a décidé de le connecter et d'en faire un Tamagotchi. On lui a fait une petite maison. Donc, what home means to you ? Ça allait parfaitement. Et si on le faisait boire, et ben à l'écran, il allait boire. Si on le faisait danser à l'écran, il twerkait. Si on le faisait aller voir ses amis, balader dans le jardin, à l'écran, il voyait la pipou. Je ne sais même plus. etc. On avait beaucoup moins de temps que les gens qui étaient dans la jam, mais c'est pas un jeu de super envergure. Et il s'est avéré que Pipours a fini mascotte de la jam. Je crois qu'il a plu à pas mal de gens. Ah oui, clairement. Pipours, c'était. Déjà, on en a entendu parler toute la nuit. Parce qu'il faut dire que l'équipe organisatrice faisait beaucoup de bruit, enfin rigolait beaucoup en tout cas. Ouais, c'est-à-dire que l'idée de Pipours est venue comment ? Il y avait Pipours sur la table. Geoffrey a dit oh Pipours ! Et bam, on avait un Tamagotchi. Ça a été très rapide, il n'y a pas eu de brainstorming, il n'y a rien eu, quoi. Ça s'est fait comme ça. Et ensuite, les gens se sont rassemblés, les mentors se sont rassemblés autour de Pipours parce qu'ils se baladaient, et puis on leur montrait un peu ce qu'on faisait. Et il s'est avéré que Aymeric Schwartz, qui était un des mentors, parce qu'il est sound designer, notamment il a été sound designer pendant très longtemps à Ubisoft. Il est sound designer pour The Game Baker et pour Pasta Game. À peu près tous les jeux Montpellier. À peu près tous les studios de Montpellier. C'est entiché du petit Pipours et a décidé de nous faire toute la bande-son, tous les sons, toutes les musiques du jeu. Voilà. Donc c'est notre Pipours, il sera bientôt disponible sur itch.io peut-être. Bon, si vous n'avez pas la peluche, c'est beaucoup moins drôle, mais vous pourrez utiliser les touches du clavier pour faire balader ce petit Pipours. C'est grave propre hein, pour un jeu d'orga, franchement bravo à toi. Merci. Et à ton équipe. Voilà, on a... Bon, niveau graphisme, on a tout donné. c'est des photos. c'est des photos mais animées. Mais des animations. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé quel logiciel j'utilisais pour l'animation, parce que ce logiciel que j'utilise permet de bouger une photo pour animer une photo, en fait, vraiment de comment de mettre des bones sur n'importe quoi, voilà. Sur une image 2D, en fait, ça permet de mettre un squelette comme on pourrait le faire en 3D. Voilà, et c'est donc, ça. Voilà, ça permet... Et c'est le nom du logiciel. C'est Crazy Talk Animator. C'est ce que j'ai utilisé notamment pour Montpellier Discovery. Il est disponible en pro pour 90€ seulement. Mmh. Donc, sinon, dans le même genre, il y a Spline. Spline, mais Spine, bon, c'est ouais. Pas les mêmes prix. Ouais, Spline c'est pour ça. Et un Spriter. Logiciel... Ouais, Spriter voilà. Pro. C'est ça, j'ai Spriter Pro et Spine, et Crazy Talk, je veux dire. Mais je vous conseille, si vous voulez animer rapidement, pour pas cher. Voilà Pipours. L'émission du pas cher aujourd'hui. Moi j'ai tous les bons plans du pas cher. Aussi il faut que je vous dise, on oubliait. On est quel jour? Non, peu importe. Le week-end du 9 et 10. On est quel mois? Février. Week-end du 9 et 10 février, du coup. Radio Kawa organise un week-end d'émission en public à l'école multimédia. Donc il n'y aura pas des vannes retry. C'était. Voilà. Mais il y aura moi. Donc c'est un peu comme s'il y avait des non retry en fait, voilà. Et donc voilà, bon, malheureusement il n'y a que moi qui peut me déplacer à Paris ce week-end là, mais du coup ce week-end en fait. Oui c'est ça en fait, oui c'est... exactement. Bon en fait même quand l'émission sortira du coup ça sera le lendemain. mais voilà, du coup moi je serai présent pour participer notamment à l'émission infernale et bon, voilà, on vous invite à venir voir l'équipe de Radio Kawa. Et moi. Et moi, ouais. Voilà. Rendre mal à l'aise Vincent, s'il vous plaît. Ah non. On pensera. D'habitude, c'est nous qui le faisons, mais là, on sera pas là pour le faire, donc faites-le pour nous, s'il vous plaît. Venez avec vos Kingdom Hearts 3 pour qu'il les dédicace. Ah, oh, je ne suis pas digne de faire ça. Ah ouais. Non. D'accord. Non. Dommage. Mais je voulais. Je suis sûr que tu aurais plein de fans avec leur jeu. Ah, Vincent. Ah, tu crois? T'adores. Ouais, on verra bien. Ah, on verra bien. Je raconterai. Allez, hop, la suite. Rends-moi le micro. Alors. Je suis là pour ça. Hein. Je suis la régie trolleuse. Ouais. Cassez-vous! Je m'ai pas fait saturer. J'ai bien fait mes réglages. Waouh. Bon, je crois qu'il les a tous censurés de toute façon, mais cassez-vous de. Je sais plus. Ouais, c'est non, quasiment. Il y en a eu un ou deux. Il y en a un ou deux que j'ai pas réussi à virer. En même temps, tu les disais beaucoup quand on était en train de dire de la merde en ce moment-là. Oui, je sais. Ouais. Bon, bref. Cassez-vous! Bon. Allez, hop, il est content, il a fait sa blague. On peut peut-être maintenant retourner. Parler d'un. Oh, putain. Ah, le relou, quoi. Bref, on peut peut-être maintenant continuer à parler d'un vrai jeu, le nôtre, Guillain. Merci. Voilà, c'était gratuit. Voilà, du coup, non, avant, vous savez quoi, on va se faire une interview, celle de... Eh oui, Pirouette, non, d'abord on se fait une deuxième interview. Mais on va revenir à notre projet un jour. Sophie ? Alors, attends, oui. Présente-la. Chut. Chut. Toi-même. Bonjour Sophie, peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour, Sophie Peseux, ergonome UX designer de métier. Et tu travailles donc chez Pixel Riff, le studio d'Eric Chailly. L'UX design consiste donc à concevoir l'expérience utilisateur de sorte à la rendre la plus intuitive, agréable et efficace possible. C'est une discipline qui a émergé avec le web et les devices modernes il y a quelques années. Est-ce que tu retrouves une prise en compte de l'UX design dans les projets des équipes que tu es allé voir? Alors, l'UX design, en fait, c'est plus ou moins intuitif selon les personnes. Souvent sur les jeux de jam, c'est compliqué parce que c'est souvent des prototypes en fait qui ressortent plus ou moins élaborés. Et généralement, la touche d'ergonomie du X, qui est une petite patte en plus, elle est faite juste après, donc vers la fin du jeu. Mais ça se réfléchit normalement au départ. Et c'est tout plein de petites choses, des petits indicateurs. Par exemple, un bouton qui doit ressembler à un bouton, voilà, donc on rajoute une toute petite texture et d'un coup ça devient un bouton ou une jauge. Et là, j'ai vu beaucoup de jauges qui n'étaient pas intégrées dans le jeu. Elles sont placées comme des jauges classiques en dehors, enfin, comme les jeux de 1990, genre Half-Life, où on a une jauge de santé, une jauge de vie et une jauge de. Voilà, très, très. séparés du jeu, alors que en fait c'est pas compliqué souvent de les intégrer. Voilà, ça fait partie de l'UX. Et généralement, quand j'arrive à voir ça dans certains projets, je leur dis hey, vous pouvez pas, par exemple, mettre voilà la jauge, une couleur sur votre aspirateur pour dire qu'il est rempli. Bah, au début, bon, bah, peut-être qu'il est, il est vert, et puis quand il est rempli, l'aspirateur il est rouge. Voilà, c'est tout bête. Mais ça marche. Quel conseil tu donnerais alors pour s'y mettre ? Faire des maquettes d'abord, des maquettes papier, tout simplement pour que déjà tout le monde communique sur la même idée. Parce qu'on s'aperçoit que souvent il y en a qui se lancent direct dans faire des assets, coder, et en fait au bout d'un moment ils s'aperçoivent que en fait ils n'avaient pas compris le projet de la même façon. Et du coup, les assets ne sont pas forcément très bien pensés pour être intégrés dans le travail d'équipe, en fait. Donc oui, si j'avais un conseil à faire, c'est faites des maquettes. D'abord, très vite fait, sur papier, rapidement. Et après, lancez-vous, quoi. Mais c'est plus facile pour s'organiser. Et puis, on anticipe plus rapidement la portée, la lourdeur de ce qu'il y a à faire. C'est noté. Merci, Sophie. Bah, de rien. Merci à toi. Merci Sophie. Je me suis particulièrement sensibilisé après cette interview. Ah oui, et pourquoi donc ? Parce qu'on a deux jauges et que je l'ai placé directement dans l'UX. Alors que tu aurais pu les placer sur un aspirateur. Ouais. Mais en même temps, les jauges, ça a le gros avantage d'être très clair pour le joueur. Ouais. Donc c'est bien d'intégrer, mais quand t'as du temps pour réfléchir à comment les intégrer. En jam, il faut être efficace. Oui, mais tu vois, par exemple, quand on a commencé à intégrer un peu plus ce que l'on avait conceptualisé sur papier, Marie Legrand a eu cette idée qu'en fait, sur le papier, on avait dit, bon, alors c'était du placeholder, hein, c'est sûr, mais on avait dit qu'on sautait genre avec le bouton A et qu'on attrapait un objet et qu'on utilisait les objets que l'on attrapait avec le bouton B. Alors nous, sur le papier, on avait mis le bouton B comme on aurait pu mettre n'importe quelle autre touche, c'était histoire de mettre un bouton. Mais en fait, du coup, en y réfléchissant un petit peu, Marie a dit, d'accord, bon, mais alors du coup, finalement, la touche finale, pour interagir avec les objets, ça devrait être la touche X, parce que on avait une touche de disponible. C'est et... aussi qu'on avait en fait une touche pour dropper et ramasser les objets et une touche d'utilisation. Oui, mais du coup on utilisait 3 touches sur 4, donc il nous restait toujours une touche de disponible. Et en fait, sur une manette de Xbox, la touche X est dans le prolongement du placement du doigt par rapport au bouton A. Et donc en fait, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup, on a accès au bouton X et au bouton A en même temps, alors que... Ergonomique, le mot que tu cherches. Voilà, alors qu'avec le bouton B, c'est plus compliqué déjà par rapport au bouton A. bref, voilà, ça aussi c'est de l'UX, c'est tout bête, c'est de l'ergonomie comme tu dis. Voilà, ça, des fois, ça demande pas beaucoup plus de réflexion de ça en fait. C'est beaucoup pas plus compliqué à intégrer que ça. T'es en train de dire que le métier du X... Non, j'ai... non. C'est comme le métier de game designer. On rigole, on aime les game designers, ils font du bon travail. Non, mais c'est ça. Faut y penser, mais justement, des fois, c'est pas, ça demande pas tellement d'efforts. Voilà, quitte à mettre une touche, autant mettre la bonne touche, en fait. Et oui, et aussi, on a eu cette idée que, bah, initialement, on avait 3 touches d'action, une touche de saut, une touche pour prendre un objet et l'utiliser, et une touche pour le lâcher. Bah, en fait, on pouvait mettre toutes les interactions avec un objet sur une seule et même touche. On a réfléchi au fait, est-ce que ça pourrait pas créer des problèmes si on veut utiliser un objet et qu'en fait ça lâche l'objet en même temps. Il y avait certaines situations en termes de priorité d'action, ça pouvait être problématique. Mais au final, si t'étais proche de deux objets, si t'avais un objet dans la main que t'étais proche d'un deuxième objet, si tu devais utiliser cet objet en même temps, voilà, on a eu peur que ça crée des problèmes, mais finalement avec une bonne priorisation dans le code, dans les parties que j'ai fait, ça avait été vite géré. Voilà. Donc c'était des faux problèmes qu'on s'était donné. Et donc du coup ça permet d'économiser une touche, donc c'est toujours plus agréable en fait. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur l'UX ? Sur l'UX pas spécialement. Après c'est faire des comme a dit des maquettes quoi. Du UI pour tester les différents positionnements de façon à ce que ce soit agréable. Mmh. Je sais qu'à un moment j'étais parti sur un design avec deux barres en latéral où du coup c'était tard ou tôt le matin. Et le lendemain, tu m'avais fait la remarque en me disant ouais, mais par rapport à lui, classiquement, c'est plutôt une visibilité en Z. Donc, on part du haut à gauche pour lire en Z l'écran. Et au final, ouais, donc ça fait que les jauges se sont toutes retrouvées en haut, en taille réduite. Et c'était beaucoup plus clair au final avec cette version-là. Mmh. Ouais, après, nous, c'était un panning game. Donc en fait, quelque part, gêner la compréhension. Ne pas faciliter la lisibilité du jeu pour le joueur, quelque part, je ne sais pas si ça aurait été si dérangeant que ça. Ça aurait pu être une feature. Voilà. Non, mais ouais, ça aurait pu être un challenge supplémentaire. Après, ça aurait pas été spécialement gênant, surtout pour de la jam, mais. Mmh. En termes d'expérience utilisateur, pour le coup, c'était quand même mieux de, on va dire, centraliser la lisibilité sur les tâches importantes, on va dire, qui étaient le nombre de kilomètres qui restaient à parcourir, notre énergie pour parcourir ces kilomètres et l'oxygène pour avoir de quoi respirer avant d'y arriver. Ouais. Ben. Il marche maintenant votre jeu ? Oui. Oui. En vrai, il y a eu un patch day one, mais le jeu il marche et on peut finir le jeu. Mais non, mais c'est bien. Franchement, j'ai été contente pour cette jam qu'on a été. Il y avait 80% de professionnels, plus 70% en tout cas. Je m'étais inscrit en professionnel, donc est-ce que les chiffres sont pas faussés? C'est pour ça que je rebaisse à 70. Mais on était beaucoup de professionnels et ça m'a fait plaisir de voir des sujets aboutis. Il y a eu pas d'embrouille entre les équipes, tout le monde s'est bien entendu. Enfin, ça s'est super bien passé et c'est très rare dans une jam d'avoir autant de pros. D'habitude, c'est pas mal d'étudiants. Du coup, on avait des mentors qui sont venus et qui se sont rendus compte au final qu'ils pouvaient autant apprendre de certains professionnels que d'apprendre à des étudiants puisqu'ils étaient très peu nombreux. Mais je vous félicite, en tout cas, vous avez fait un jeu fini. J'ai pas pu le tester malheureusement, mais pour les gens qui l'ont testé, ils m'ont dit qu'il était bien cool, que le fait de pouvoir jouer à deux, c'est super sympa en jam. Pareil, on a été testé hier les jeux de Sudpixel. Il y a un jeu avec Geoffrey et toi aussi, Vincent, qui a attiré notre attention. C'est un jeu tout simple sur une seule map qui joue à deux. Et on s'est éclaté. Donc c'est ce qui marche bien aussi en jam. Tu l'as le nom de ce jeu ? Non. Homme, je crois qu'il s'appelle Homme, tout simplement. Homme ? Ouais, ah, d'accord. Homme. Ouais. Aussi, du coup, je le disais, quand on a commencé à parler du développement, j'ai fait de l'écriture du coup pour ce projet-là. Il se trouve que ça ne se ressent pas vraiment dans le jeu, enfin dans l'exécutable. Parce qu'il est buggé. Ouais, il y a encore des bugs. Et donc, en fait, l'idée, c'est que on avait, donc, dans cette navette spatiale, il y a une IA à la HAL 9000 qui, du coup, un mi-chemin entre HAL 9000 et GLaDOS, plus proche de GLaDOS quand même, du coup, qui est une IA assez, pas sadique, mais un peu nonchalante, un peu cynique. Et. Qui sort des commentaires à chaque fois que le joueur fait quelque chose de qu'est-ce mal que ça ou de bien. Bien. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est sachant qu'il a enregistré la voix après pour faire. Parce qu'en fait, on a un texte qui passe sur le vaisseau donc en bas de l'écran. Mm-hmm. Et normalement, il y avait la voix qui allait avec le texte que Vincent a enregistré et qui avait été retravaillée par Marie-Lou. Et ça rendait vraiment super bien. Vincent arrive très bien à faire le cynisme. Alors ça m'étonne absolument en pas. En fait, j'étais en plus dans les bonnes conditions. J'avais pas dormi de la nuit la veille. Et en plus de ça, Kingdom Hearts 3, j'avais reçu un SMS de Micromania me disant de venir chercher ma réservation. On a cru que t'allais jamais revenir vraiment, Vincent. Ouais, j'ai hésité. Mais j'avais mon PC. Donc bon, il a bien fallu que je revienne. Bref, et donc du coup j'étais vraiment il fallait que je me défoule quelque part et j'ai eu voilà, il y avait cette IA pas très gentille à écrire, du coup ça m'a fait plaisir. J'ai pu me défouler et ouais, c'était super cool comme boulot d'écriture et parce qu'en fait voilà, aussi l'écriture dans le jeu vidéo contrairement à l'écriture dans le cinéma ou quoi, c'est que forcément ça prend en compte l'interactivité, donc tu dois écrire des répliques en fonction des actions du joueur. Et donc, ça m'a fait du coup écrire des répliques qui n'étaient qui étaient plusieurs répliques pour une même action, de sorte à ce que quand ça tourne en boucle, en fait, bah, ce soit pas la même phrase qui tourne à chaque fois, mais qu'il y, voilà, y ait des variantes. Et du coup, c'était, ouais, moi j'ai beaucoup apprécié cet exercice-là, c'est rigolo. Alors, déjà, ça t'a servi d'expérience, et pour tous ceux qui ont un portfolio, ça peut être utile aussi à rajouter. Le travail de Game Jam, les jeux que vous faites en Game Jam, c'est super intéressant de les mettre dans un portfolio avec un petit résumé, limite le jeu en téléchargeable. Donc ça pourra aussi être utile. Et je regrette pas d'avoir participé à cette Game Jam, d'autant plus que vraiment, je trouve que celle qui était organisée à l'espace Cap de Ville était super. Donc d'ailleurs, encore bravo Marie et Geoffrey et toute l'équipe de Couchetard. On te remercie. Ouais. On va terminer du coup sur... sur une petite interview. Donc on a eu des sons d'Emeric Schwartz qu'on va écouter dans un instant, on a aussi Alexis Logier qui a travaillé, tu vois qui c'est ? Oui, bien sûr. Qui nous a fait quelques sons aussi de Pipours. Là, je tenais juste à le remercier pour ça. Mais tout de suite, on va écouter Emeric Schwartz avec une interview que tu as fait durant la Global Game Jam. Non, je l'ai fait durant la Paris Games Week. Ok, merci, connard. Alors, bon, vu que ça va être coupé au montage. Du coup, Emeric, c'est plus la peine de te présenter maintenant. Quel conseil Quel conseil donnerais-tu ? Non, attends. Quel conseil tu donnerais à ceux qui voudraient participer à une game jam ? Pour faire ça, il faut rester simple. La game jam, c'est quelque chose qui apprend à aller à l'essentiel. On a peu de temps, il faut une bonne idée qui soit pas trop techniquement compliquée à réaliser, qui porte une feature, un point d'intérêt un petit peu intéressant, qui ne nécessite pas de trop de travail pour le ou les développeurs qui seront à côté parce qu'il y a tout le gameplay à faire. Rester dans un scope à peu près convenable et puis surtout ne pas oublier de faire quelque chose qui nous ressemble et qui nous plaise parce que la jam, c'est aussi une occasion de s'amuser. Et concernant les sound designers, on fait souvent appel à eux à un stade assez avancé du développement sur les productions classiques. Du coup, en game jam, ils peuvent commencer à intervenir quand ? Dès que le brainstorm, dès que le pitch est là, on sait à peu près où on va normalement. C'est quand même très rare qu'on ait besoin du résultat final dans une jam pour commencer à travailler. En revanche, une fois qu'il y a la mise en place, il y aura nécessairement encore un tout petit peu de travail à faire après, parce que si le son est en bout de chaîne, c'est plus une commodité que vraiment pour reléguer le métier en fait, c'est qu'on a besoin du timing, on a besoin des coupures entre les scènes, on a besoin du rythme du jeu pour savoir si ce qu'on a fait en son est vraiment adapté ou pas. Et il y a quand même quelques petites retouches à faire, donc il faut commencer à travailler en amont et puis surtout tester très régulièrement et pas hésiter à solliciter le reste de l'équipe. Au cours de cette jam, j'ai pu constater qu'il y avait deux sortes d'équipes, celles qui n'utilisaient pas Wise et celles qui tentaient désespérément d'utiliser. Wise, c'est un logiciel qui permet la création audio, alors quel est le problème ? Le problème avec Wise, c'est que, spécialement avec Unity 2018 plus Wise 2018, il faut que les autres développeurs aient Wise aussi. Parce qu'au moment d'installer Wise dans Unity, il y a plein d'API qui vont s'installer un peu partout. Ça fait énormément grossir le code de base de Unity. Il y a énormément d'instructions un peu partout. Les développeurs souvent n'aiment pas le parasitage que ça sous-entend, d'avoir énormément d'instructions Wise qui de toute façon ne seront pas utilisées, parce qu'en 48 heures, il est peu probable qu'on ait besoin d'utiliser l'ensemble des features du plus gros middleware de l'industrie. Et là, le problème qu'il y a eu, c'est que les banques, c'est-à-dire... la ressource logicielle qui contient les événements, les sources audio et comment tout ça s'articule dans le jeu, ben ils n'arrivaient pas à les avoir. Normalement, il y a un répertoire spécifique dans Unity où on a ces banques. Normalement, en fait, c'est quelque chose qui prend presque une demi-journée à configurer. Et là, l'équipe qui a choisi de ne pas prendre Wise, ils se sont dit, si jamais ça nous prend 2 ou 3 heures et qu'on perd du temps avec ça, c'est 2 ou 3 heures qu'on ne passe pas à faire un jeu. Et sur 48 heures, c'est énorme et c'est plutôt un bon choix. Et l'autre équipe, en partant du principe que normalement c'est simple, comme ils se sont retrouvés avec le sound designer sur Mac, le développeur sur PC, le développeur qui ne voulait pas récupérer tout Wise, qui voulait uniquement les soundbanks, la configuration du projet de l'autre côté du sound designer qui a été faite avec des chemins relatifs et pas absolus, le fait qu'au milieu il y a un versionning comme SVN, ça a posé plein de soucis et de contraintes qui normalement sont réservées, on va dire, à l'industrie quand on a le temps justement de préparer un projet et de passer 2 heures, 3 heures, même une demi-journée ou une journée entière à bien configurer Wise sur toutes les machines de l'équipe de développement. Là, c'est du temps. Encore une fois, moi j'ai pris l'exemple de Wise au début en partant du principe que le développeur avait déjà un Wise installé sur Unity. À la limite, pour que ça marche bien et qu'il n'y ait pas de perte de temps, il faudrait que tout le monde ait déjà le Wise installé sur Unity, même si on ne s'en sert pas. Ce qui est un peu une contrainte pour pas mal de monde. Et si on ne souhaite pas avoir recours à Wise ? Eh ben, on va utiliser le moteur audio fourni avec... alors soit en Jam, il y a des gens qui font des choses from scratch. Donc à ce moment-là, on va revenir au basique, hein, PlaySound, tout ça. Là, on va être encore plus basique. Soit avec Unity, il reste Unity Audio. Unity Audio, qui est le moteur de base de Unity, qui est une couche de FMOD, qui est un autre middleware audio assez utilisé dans l'industrie. Le dernier Just Cause utilise FMOD et ça sonne très bien. Celeste utilise FMOD et ça sonne la mort. C'est d'autres mécaniques de moteur. L'interface est un peu plus programmer-friendly, Wise est plus designer-friendly, Wise est plus largement utilisé, FMOD est un peu à la traîne sur certaines features. Donc c'est pour ça que la plupart du temps les gens veulent utiliser Wise, mais pour faire un jeu de jam, Unity Audio, normalement ça suffit largement. Alors on n'aura pas des choses extrêmement folles en mécanique de précision, de transition musicale, tout ça, mais est-ce que c'est vraiment si embêtant que ça? Pas forcément sur 48 heures. Merci Aymeric. Avec plaisir. Ah Aymeric, est-ce que quelqu'un veut rebondir? Je comprends pas ce qu'il dit, les sound designers. Non, c'est très technique, mais après, ce qui était son, faut que je parle dans le micro. Oui, c'est ça. Parle plus fort, surtout. C'est ça que j'essayais très subtilement de faire comprendre avec le bruit que j'ai mis. C'était très technique en interview. Après, on a un peu parlé de son, au niveau de la prod, à un moment dans l'émission, je me souviens plus quand. Ou peut-être en off, mais bon, bref. Non, mais du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que je sais pas si tu te souviens, Guillain. Dans notre équipe, on a quelqu'un justement qui avait passé par exemple le week-end précédent la Game Jam à se former sur Wise. Et en fait, du coup, il comptait forcément l'utiliser pour la Game Jam, sauf que Mathieu, expérimenté, ah oui, a dit mais non, en fait, on va pas utiliser Wise. Du coup, on l'a pas fait et on s'en est bien sorti sans. Mais alors, par contre, une équipe qui est à côté de la nôtre est venue nous voir à un moment donné pour nous demander de l'aide avec Wise. Parce qu'ils étaient en galère. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce que dit Aymeric, c'est que Wise, ça prend, selon si t'es pas doué, environ une demi-journée à installer. Et voilà, donc en fait, l'idée, si tu veux utiliser Wise en Game Jam, il faut que tout le monde l'ait d'installer de base, en fait. Sinon, si tu vas pas l'installer pendant une Game Jam, sinon tu perds des heures. J'ai écouté l'interview. D'accord. C'était énorme, ok, c'était pour être sûr. Bon, c'est juste pour dire. Si c'est pour paraphraser Aymeric, c'est bon. Non, hein. Ça va. Aymeric, c'est la sainte voix, tu vois, il a tout dit. On touche Vincent à l'ego, là. Ah, vous m'avez saoulé. Ouais. Cassez-vous. Ouais, cassez-vous. Cassez-vous. Bon, Guillain, t'avais un quiz pour nous, je crois. Oui. On va voir ce que ça donne. Un peu brut de décoffrage, mais tout à l'heure, Marie. Sans transition. Je suis pas d'humeur à faire des transitions, là. Sans transition, au revoir. Alors, juste avant l'émission, j'ai cherché un petit peu sur YouTube et un peu dans les jeux de la globale quelques titres pour voir ce qui était un peu sorti. Et donc le jeu que je vais vous proposer, c'est, je vais vous dire le nom du jeu et vous allez devoir essayer de deviner qu'est-ce que les gens ont fait à partir de ce titre-là. Allez. Vous êtes prêts ? Allez. Oui. Alors, j'ai un accent anglais déplorable et tous les jeux sont en anglais, je préviens. Alors, cherche For the Golden Throne. Search for the Golden Throne. Merci, Vincent. Une petite traduction. La recherche du trône doré, ouais. Voilà. C'est un truc avec des toilettes. Tu dis oui ou non, hein. Oui. Merci. Trop facile. Ouais. Du coup, je vous dis un peu le concept. Donc, c'est un jeu en pixel art qui est vraiment super beau. Approuvé par Guillain. Ouais, approuvé par Guillain, okay. Complètement. Et donc, le but, c'est d'explorer la maison pour trouver son papier et aller s'asseoir sur le trône pour faire caca. C'est très humour South Park. Non, mais c'est très bien. Quoi. What's up to you, c'est... Donc, en fait, concrètement, les gars, sur le pitch, ils se sont dit, en fait, la maison, c'est l'endroit où je vais faire caca. Concrètement, c'est mais ça. C'est voilà. Les gens bien, hein, parce que nous aussi, Pipour, il va aux toilettes, quoi. Ouais. Un autre, du coup. Alors, Treehouse Link. Attends. Treehouse Link. Creaslink. Donc les arbres, la maison, le la lien, maison des le arbres, lien de la maison des arbres, où, c'est une vraie fausse adaptation de Zelda. Non. Attends, c'est le lien de la maison des arbres. Ou tu peux prendre ça comme une cabane sinon. Ok. Le but c'est de construire une cabane. Oui. Dans les arbres. En partie, oui. C'est de relier des cabanes entre elles. Alors, donc c'est un jeu low poly. Avec pas mal d'effets de lumière, donc qui est assez joli en 3D. Et où le but, c'est, donc, c'est un jeu de compétition. Donc tu as deux enfants qui doivent construire leur cabane le plus rapidement possible. Et en fait, ils sont reliés par un lien d'affection avec leur cabane. Et donc c'est ça qu'ils ont voulu représenter dans le jeu. Ils ont montré ce lien émotionnel que tu as quand tu construis ta cabane, que quand tu es un enfant, c'est ta maison, c'est ta cabane en fait. Et donc ils ont fait un petit jeu de versus où tu dois construire ta cabane le plus rapidement possible, et où si t'es un méchant enfant, et bah, tu peux couper le lien d'affection que l'autre enfant a avec sa cabane pour l'empêcher de revenir vite à sa cabane pour la construire plus vite. Et voilà, ça avait l'air très cool à jouer. J'ai envie d'aller voir ce jeu juste pour couper le lien et voir ce que ça va faire. Alors sinon j'en ai un autre, c'est Human Rescue. Human Rescue. Ouais. Sauver les humains, ouais. Le sauvetage de l'humanité. Vas-y, qu'est-ce que ça peut être? Bah alors là... C'est de buter des zombies. Non, à mon avis, vous n'allez pas trouver celui-là. Ah bon? Il faut. Il y a un vaisseau spatial qui récupère des humains, c'est la fin du monde. Non, c'est pas un vaisseau spatial. Et aussi, oui, c'est volante. C'est... Franchement, par rapport au nombre d'idées que j'ai vues sur les jeux, c'est quelque chose de plutôt original. C'est un rapport avec le thème ou ils se sont vraiment déviés? Franchement, ils ont dévié. Ils ont dévié. Comment veux-tu qu'on trouve avec uniquement le titre? Alors, indice, indice. Laisse. Laisse. Ouais, une laisse. Une laisse. Ah, c'est des chiens qui sauvent des humains. Ouais. Trop bien. Tu veux l'essayer. Ouais, le principe, c'est donc c'est un jeu en 3D, donc où, façon un peu chibi, donc un peu tout lisse, tout enfantin, où tu joues un chien qui a pour but donc d'attraper des humains errants. Donc ils ramassent des humains, le fait rigolo, pour les adopter et pour les ramener dans un foyer d'amour. Le fait rigolo, c'est que pour ramasser des humains, il faut leur taper dessus. Donc est-ce que c'est une métaphore, un message, quelque chose? Voilà. D'accord. C'était je crois que ça vient de... Il y a mon père qui joue à Pet Rescue, c'est un jeu sur l'iPad où il faut sauver des chiens. Bah sûrement, mais c'est une petite parodie. La famille King, ça, non? Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Et au fait, tous les jeux que je vous propose ici ont eu un petit filtre guillain, donc vous pourrez aller les voir et ils ont l'air assez sympas à jouer. Ouais, bah ça me donne envie d'aller voir. Alors attends, ils ont eu un petit filtre guillain. Non, c'est un petit filtre guillain, ça veut dire que je vous ai fait une petite sélection. Il est valide. Il y a le tampon. D'accord. Il y a le tampon certifié. T'en as encore? Ouais, j'en ai quelques-uns encore. Il m'en reste à peu près 5. Tu nous dis si ça t'emmerde. Hein. Non, c'est pas savoir en fait si Alors. Donc c'est juste ça pouvait se terminer. Pour savoir si on pouvait parler de d'autres jeux en fait, parce qu'on n'a pas parlé d'autres jeux qu'on a pu tester ou voir dans la GG, ça pourrait être intéressant. J'en fais quelques-uns. Vas-y. Donc Memoriam. Il y a le chat. Le chat qui veut jouer. Le chat est la bonne réponse. Lui aussi veut sauver des humains en les tapant. Memoriam. C'est dans un palais mental. Franchement, t'es pas loin. Oh là là! C'est les souvenirs. Ouais. Que t'as à la maison. Okay. Ouais. Donc, en fait, c'est un jeu où. Qui est... Franchement, dans la réalisation, c'est étonnant qu'ils ont réussi à faire ça en 48 heures. Donc. En gros, le jeu, c'est une scène centrale, donc un hub, en full 3D, franchement super bien réalisé, où chaque objet, en fait, est un portail vers un souvenir. Et ce portail vers un souvenir. Te permet de rentrer dans un mini-jeu en 2D. La plupart sont en façon vue RPG, où tu as des styles différents à chaque fois. Par exemple, tu vas avoir juste vraiment un monde RPG façon Zelda à l'ancienne, ou sinon tu vas avoir un petit jeu d'esquive plutôt type arcade. Les gars ont réussi à faire plusieurs jeux dans le jeu pendant une jam. C'est trop cool. Super impressionnant. Ouais. Donc à aller voir ou du coup c'est qu'est-ce que ça la maison évoquait pour eux, tous les souvenirs que tu pouvais avoir dans la maison et ce que ça leur évoquait quoi. Et jeu suivant, donc Home, Sweet Home. Alors c'est... C'est avec des bonbons. Non. Home, Sweet Home. Une, vraiment une douce maison, genre vraiment. Voilà, littéralement, c'est mais... une maison en sucre. Non, non, non, non. C'est... Une maison en peluche. C'est, on va dire que la maison, elle, elle veut ton bien, mais elle le fait pas très bien. Elle veut ton bien, mais elle le fait ah, pas. Ah, c'est une maison genre domotique, maison collective. Qui essaie de te tuer. Ouais. Ouais, non, non, non. Qui te fait tomber des choses sur la tronche. Là, tu te rapproches. Je sais pas. Bon, je vais vous le donner. Donc, attends, alors, donne des indices, donne des indices. Tu veux un indice? Oui. Un jeu avec de la physique. Mais les murs y tombent. Non. Non. C'est, la maison, elle a pas de personnalité en elle-même. C'est pas une maison connectée avec une IA diabolique ou un truc comme ça. Non. Une IA diabolique et cynique. Ouais, est-ce voilà. que tu dois non, ça, on tu a un copyright. La maison pour faire tomber tout ce qui est à l'intérieur. Ça se ça commence on commence à avoir une piste solide. Franchement, quand tu vois le trailer, parce que la plupart de ces jeux-là ont un trailer sur YouTube. Quand j'ai vu le trailer, je me suis dit putain, je veux jouer à ça. Ne triche pas pour l'instant. Bon, en gros, je vous le dis, c'est un jeu 2D où en fait vous. Au début du jeu, il y a un homme qui vient de rentrer chez lui, il est complètement crevé, et lui, le seul truc qu'il veut, c'est retrouver son lit. Et du coup, la maison, elle est gentille, parce qu'en fait, il peut plus marcher, il est trop crevé. Et la maison, elle est vraiment gentille, elle va vouloir l'aider. Et du coup, en fait, tu contrôles la maison, et tu la tournes dans tous les sens, tu la secoues, pour amener ton personnage jusqu'à son lit, avec la gravité, avec tous les meubles et tout qui sont avec la gravité. C'est assez génial. Ah ouais, je suis en train de le regarder en direct. Et allez voir le trailer, ça a l'air vraiment trop cool. Ouais, carrément. Donc bravo aux gars qui ont fait ça. Sinon un petit projet donc They Came From Uranus. Uranus. L'aspirateur vers Uranus. Ils arrivent d'Uranus quoi en gros. C'était quoi le premier mot? They Come. They Come. Ouais. D'accord. Bah c'est un truc avec des aliens. Oui. Qui arrivent dans une maison? Non. Qui deviennent une maison? Non. Ils veulent pas rentrer sur Uranus par hasard? Non. Non, d'accord. Non, non, ils ont pas piqué notre idée, t'inquiète. D'accord. Bah, je sais pas, ils arrivent sur Terre, donc c'est leur nouvelle maison quand ils s'expatrient de chez eux. Non. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu te souviens de la première idée de jeu qu'on avait? Non. L'igloo, là? Ouais. D'accord. Non, mais le principe du jeu, on va dire. Ouais, c'est un tower defense. Et ben là, il faut se protéger des il faut protéger la Terre des extraterrestres. Ouais, ah. Des uranusiens. Ouais, en fait concrètement c'est un Space Invader mais orienté tower defense où en gros on contrôle une tourelle. Ouais. C'est un Space Invader où on a un seul point et on tire de ce seul point et du coup c'est enfin ça un peu ça fait redécouvrir la formule et c'est assez intéressant à voir donc il n'y a pas de déplacement pour tirer. Mm-hmm. Mais donc ça fait un mélange Space Invader Puzzle Bubble pour ceux qui connaissent ouais, un ouais. petit peu donc ouais, assez sympa à voir. Ouais. Alors Tiny Tidiness ouais c'est un truc avec de la vaisselle toute petite. Non. Ça aurait pu. C'est un truc où t'es tout petit dans une grande, grande maison. Ouais. Ah, c'est trop bien. Maison... Je voulais faire ça aussi. Mais encore. C'est... Ah, il y a un twist avec ça. C'est en fait, tu contrôles pas un humain. Tu contrôles un jouet. Ah, une souris. C'est un polypocket. Une souris. Bravo, Marie. J'avais la même idée, je suis deg. Mais en fait, c'est un jeu où ils ont repris une idée où il y avait le même concept avec des chats. C'est en fait, c'est un jeu en coop à 4, donc on peut contrôler 4 souris. Et ces souris ont but de mettre le dawa complet dans la maison. Donc en fait, il y a une jauge de bordel. Et il faut remplir cette jauge au maximum en faisant attention aux chats qu'il y en a dans la maison et en s'aidant pour certains pièges qui peuvent tomber sur les souris. Par exemple, on en revient aux toilettes, mais dans le jeu, tu peux tomber dans les toilettes et il faut qu'une souris vienne t'aider pour te sortir de là. Beaucoup de souris dans cette jam. Ouais, mais franchement, ça avait l'air sympa. Il s'appelait comment, Tiny? Tiny Tidiness. Tiny Tidiness. Après un c'est pas grave. On juste quand même. Deux petits derniers. Donc Ride Home. Ride Home. C'est un truc chevauche la planète Terre. Non. Ah. C'est un truc où t'es sur une moto et tu dois rentrer le plus vite possible à ta maison. Je crois qu'elle est beaucoup trop forte. Elle. Oui, c'est ça. C'est en fait c'est un jeu de 2D narratif avec un choix d'embranchement. Donc on y joue un motard qui veut rentrer chez lui et qui se pose des questions sur ce que signifie la maison. Donc en fait tout le travail qu'on a fait au début de la jam pour se demander en gros qu'est-ce que ça signifie la maison pour nous, et ben ça on a leur réflexion directement dans le jeu et c'est assez intéressant à voir et le jeu a l'air un petit coup peu cool à voir quand même. Ça se fait en 5 minutes environ, donc plutôt propre pour une jam. Alors, un dernier, Insanta Pace. P-A-C-E. D'accord. Insanta Pace. Dans l'atelier Pace. Du Père Noël, quoi. Non. C'était dans la hotte du Père Noël. Après, j'avoue que le titre, j'ai pas forcément compris le pourquoi du comment, mais. Un indice alors. Un indice, ouais. C'est un jeu matériel. Un jeu matériel ? C'est un vrai jeu. Un jeu physique. C'est un jeu société ? C'est un jeu, ouais. Non, physique. Enfin, c'est un jeu de société, ouais, mais c'est pas un jeu de plateau, quoi. C'est un truc à les Nintendo carton, là, je sais plus. Nintendo Lab ? Ouais, c'est ça, ouais. Nintendo carton. Tu dois mettre un maximum de cadeaux dans une hotte ? Indice, on a l'air d'y revenir beaucoup à cette jam. Et des souvenirs ? Non. Attends. Non, c'est un truc spécial ou qui avait rien à voir particulièrement. L'espace ? Non. La terre ? Non. La maison ? Les toilettes. Les toilettes. Okay. C'est un jeu, du coup, il y a aussi un trailer sur YouTube. Où en fait le but c'est donc les gars ont modélisé une toilette en 3D et il y a des petits objets que je considère comme des mini caca en plastique qu'on va devoir placer sur une partie de son corps et l'envoyer façon panier de basket dans les toilettes et enfin le trailer a l'air super cool. En gros on a une partie aléatoire qui est tirée et ils l'ont fait en imprimante 3D apparemment. Ouais. Ça a été fait en impression 3D, ça a l'air cool, genre de petit jeu sympa pour dire que sur la game, Global Game Jam, il n'y a pas que des jeux informatiques. T'as juste recherché de toilettes, GGJ. Non, je te jure, franchement. T'as pris tous les meilleurs jeux. Mais j'ai juste tapé hashtag Global Game Jam sur YouTube pour regarder un petit peu les trailers pour faire un choix rapide. Et en fait, j'ai juste pris ceux qui visuellement avaient l'air sympas. Et au final. Ça parle de caca pas, ouais, non, mais à croire que les gens, ils sont limités. Alors, on est en train de regarder le trailer avec Vincent. Et moi, je trouve ça formidable. Ouais, franchement, c'est cool. c'est un twister où tu balances des cacas. Sur... Exactement. Tu dois mettre des cacas sur la joue. C'est des cacas bleus et des toilettes bleues, pour info, pour ceux qui vont aller voir le trailer. Bon, et après, sinon, pour faire rapidement, j'en avais vu 2-3, donc on va pas forcément les jouer parce que ça prend un petit peu de temps, peut-être. Au pire, on les coupe au montage. Ok, bah vas-y. Bah alors, Planet Craft. Tu dois créer ta planète. Non. Oh, un God Game, ça aurait été énorme d'ailleurs. Ouais, j'avoue. J'avoue. Oui. Mais c'est pas ça. C'est indice, y avait un des modificateurs à propos de l'histoire principale qui est pas du tout ce qu'on joue. L'histoire principale n'est pas du tout ce qu'on joue. Ouais. C'est-à-dire que tu vis l'histoire avec... Bah, genre, il y a une méga histoire qui se passe, mais en fait, c'est pas ce que le jeu il te montre. Ok. Bah, comme il y a un jeu comme ça dans la globale. Où il y a Alfred versus The World. Ouais, c'est ça. Où t'as une apocalypse et en fait tu joues Alfred et tu dois ramasser des déchets. Ouais, qui veut cleaner sa maison. Ouais, qui veut juste nettoyer sa maison et en attendant c'est le bordel à côté. Bah là, dans l'idée, c'est un peu ça. Donc c'est un... Est-ce que vous voulez tenter de deviner ? Moi je suis une quiche, j'en ai pas eu un depuis le début, je crois. Bon, bah, c'est un jeu où en fait la planète se fait attaquer et il y a des dragons qui sont là pour sauver la planète. Et ces dragons, en fait, ils ont besoin de ressources. Donc toi, tu joues le jardinier qui va devoir gérer les plantations d'arbres magiques pour donner des ressources aux dragons pour qu'ils sauvent la planète. Ouais, on l'aura parfait. Voilà. Et franchement, ça a l'air super polish pour une jam. C'est mieux que les jeux dragons. Comment il s'appelle, Space, c'est quoi Planet Craft. Les jeux dragons, quoi. Est-ce que c'est mieux que les jeux dragons de la licence du film d'animation? Ah, ça se fait encore, ça oh. Est-ce que j'y ai joué? Non, clairement pas. Donc, c'était un troll gratuit. D'accord. Alors là, je vais vous donner un titre de jeu qui n'en est pas un. Party Engine. Engine. En fait, ils ont fait un logiciel, c'est comme Unreal, mais à plusieurs. Pas du tout. Presque. Tu dois faire fonctionner un moteur de fusée pour rentrer chez toi. Non, c'est... C'est un rapport avec Unreal Engine ? C'est pas un jeu. Concrètement, c'est plus une démo technique qui a été faite pendant la jam et ça a l'air cool. C'est un simulateur de foule ou je sais pas quoi, là. Ouais, dans l'idée, c'est ça. C'est un simulateur de fête qui marche de façon procédurale en fonction de la musique que tu mets. Et c'est franchement, c'est beaucoup trop drôle. Genre, partie engine. Okay. Engine. Hey. Engine. Ah. Ça va, ça va. Et je te jure, à voir, c'est assez cool. Mais comme on fait une radio, vous pouvez pas le voir. Cher. Peut-être un jour quand on sera en direct. Ouais. Peut-être. Un jour. Sinon, là, j'ai un jeu pour Ben. Alors. Ah, ça va parler de toilettes. Non. Alors, Cuddle Up. Ah, on l'a vu. Moi, je sais. Ah, c'est le truc avec les chats. Ouais, c'est le jeu le plus vu de la GG, en fait. Mais en fait, les chats, quand ils ronronnent, ça s'entend dans ton casque et c'est trop bien. Ouais, d'accord. Et en fait, c'est un puzzle game où, justement, je comptais en parler dans les sélections des jeux que j'ai vus de la GG. Bah, je l'ai trouvé cool. Bah, ouais, parle-en maintenant, du coup. Bah, c'est un puzzle game où on doit juste... voilà, il y a notre personnage qui est allongé sur le lit. On doit juste faire en sorte de pouvoir rentrer tous les chats sur le lit. Pour pouvoir les faire tous dormir sur leur maison / lit. C'est l'histoire de ma vie. C'est pour ça qu'il était pour toi ce jeu. Voilà, c'est un jeu plein de cutiness. Ouais, il est super mignon. Les graphes sont vraiment hyper choupi. Et puis c'est vraiment... C'est efficace, cool. Ouais. Ça marche très bien. C'est sobre, efficace. Et, franchement, on reste à jouer. Ça m'étonne pas que ce soit le jeu le plus vu. Enfin, je vois très bien un puzzle game comme ça, mobile, sortir. Ouais, ça tout pourrait, simplement comme ça pourrait marcher, ouais. Des niveaux, et t'as différents types de chats empilés, et puis voilà quoi, enfin empilés et arrangés. Mais voilà quoi. Bah, tel quel. Jeu suivant. Goodbye Doggy. Oh, c'est un chien qui meurt. Ah, c'est le truc où le chien il est abandonné sur la route et ensuite tu t'es le chien et tu... Non, je l'ai vu passer, mais au niveau gameplay, j'ai trouvé triste, donc je voulais pas prendre. Et celui-là, il est pas triste. Bah celui-là, tu joues un peu plus. En fait, le chien, il meurt. Juste, il meurt. Oui, c'est ça. Oh, c'est horrible. En fait, c'est un jeu 2D façon narratif où donc t'as la famille qui vient de perdre son chien. Et toi, tu vas jouer en fait le fantôme de ce chien qui va être là pour faire son deuil à la famille, en fait. Et du coup, tu as plein d'interactions. Par exemple, tu vas leur faire souvenir que le chien, il est chez les assiettes, des petits trucs comme ça qui leur rappellent le chien et qui, au final, se disent « Bon, bah, en fait, il est toujours un peu là. » quoi. J'ai trouvé ça beau. Ça a l'air trop beau, bien. Mais c'est triste. C'est triste. Ouais, c'est triste, mais c'est beau et c'est super bien réalisé. Il a réussi à faire pleurer. Il y a un effet de pluie dans le jeu qui fait sûrement de façon physique. Qui est géré avec la physique, avec des particules, et ça rend vraiment trop beau. Tout en 2D, pixel art, voilà, c'est beau. Et le dernier, Blockbuster. C'est un jeu où tu dois tout faire péter ta maison. Presque. Tu dois tout faire péter. Tu casses des trucs. C'est sponsorisé par Michael. C'est Red Faction dans ta maison, quoi. Ouais. Ouais, tu détruis pas des maisons? Si, tu détruis des maisons, mais il y a un twist. Tu détruis des maisons avec quoi? Avec un chien. Non. Avec un chat. Non. Avec un Transformers. Avec un aspirateur. Dans l'idée, ça pourrait, mais non. Un véhicule. Ce serait quoi le mieux pour détruire une maison? Un robot géant. Ouais, mais dans... Une bombe nucléaire. Dans la tête d'un créateur malade. Un grand monstre. Non. Est-ce que c'est un tout petit truc qu'ils ont exagéré? Un truc mignon qu'ils ont exagéré? Non, c'est pas ça. C'est marrant, ça aussi. Bah, quoi de mieux qu'une maison pour détruire une maison? Ah. Donc, ouais. En fait, on joue des... c'est un jeu en 3D à deux joueurs où en fait on va jouer un bâtiment dans une ville miniaturisée où en fait la maison se déplace en roulant sur elle-même, comme dans j'ai oublié le nom des jeux. Katamari. Ouais, Katamari. Ça se déplace en roulant sur elle-même, ça détruit tout. Et le but, en fait, c'est un versus où on doit capturer des points d'intérêt. Donc c'est un jeu de capture de drapeau avec une maison qui détruit tout sur son passage. C'est assez rigolo. Juste pour noter, il y a les gars de Post-Process qui avaient fait un jeu un peu comme ça où on devait détruire une ville. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça m'a fait penser à eux, on pourrait les mentionner dans l'émission. Ouais, ils ont joué à un Godzilla, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà. Donc, Merci Guillain. De rien. Il y a plein de jeux là-dedans qui sont super sympas. Je pense que je vais rentrer, je vais terminer Kingdom Hearts 3 et après j'y jouerai. ouais, c'était super cool, merci Guillain. Et on se rapproche du coup tout de suite de la fin de l'émission. Disons, les transitions, c'est pas ça ce soir. Hein. Il n'y avait pas quelques jeux que vous voulez parler? Bah après, je sais pas si vous avez des jeux. On va juste parler rapidement des jeux de la Global qui sont testables sur le site. Donc, on a parlé rapidement de Alfred versus the World, de votre jeu qui s'appelle Landing Home. On n'a pas dit son nom de l'émission. Ouais, c'est pour ça que je l'ai noté sur ma feuille quand même pour qu'on pense à le dire à un moment donné. Il y a Bubbleton. Ouais, d'ailleurs, ça serait super cool de passer la musique parce que la musique, c'est un petit bijou. Ouais. Bubbleton. Hyper chouette, ouais. Les deux sound designers qui ont travaillé dessus étaient très forts. Le jeu est génial, le concept c'est en gros on est dans une bulle de bien-être et on doit sortir de la bulle pour ramener des copains. C'est ça. Et l'ambiance musicale est juste oufissime. Mais le jeu est très très bien. De la bulle, le son vraiment hyper travaillé. Mm. Ils ont bien fait d'utiliser Wise. Ouais, mais d'ailleurs tu sais qu'à cause de ça ils ont failli pas avoir de version aussi. C'était pour ça que ils ont réussi à l'implémenter une demi-heure avant le rendu ou un truc comme ça. En jeu, on avait aussi House Cat, où le c'était un semi-jeu, c'était une expérience, où le but est de ramener le petit chat près de la cheminée. Oui, je l'ai fait. Ouais. C'était très joli, oui. Mais alors ils ont payé leur visuel graphique sympa. Pas grave, c'est joli, c'est bonne ambiance, il y a une petite musique, on aime bien. J'ai discuté du coup avec l'un des membres de l'équipe, et en fait, ils ont commencé l'intégration hyper tard, parce qu'ils ont attendu les assets finaux, quoi. Et avant de les intégrer dans le moteur et de commencer à programmer tout ça, et bah du coup ça, tu termines avec un jeu qui est joli mais qui est vraiment vraiment très court. Utiliser des placeholders, ça permet d'intégrer avant d'avoir les assets. On avait aussi Host in the Shell, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu joues super jeu. Un Bernard Larmite qui s'appelle Thierry. Je crois. Parce que Bernard c'est surfait. Je crois que c'est ça dans la cinématique de base. Je crois que c'est ça. Ouais, vraiment, les dessins sont super beaux de la cinématique. D'ailleurs, c'est une idée qui revient pas mal si vous survolez un peu les jeux qui a eu sur la globale. Le coup du Bernard Lermite où il a sa maison sur le dos, ça revient assez souvent. Mmh. Ouais. Après, la réalisation est différente, donc c'est toujours intéressant de voir les différents types de jeux. Mais c'est comme des jeux de toilettes finalement. Oui. Tout le monde est aux toilettes, mais personne n'a le même jeu. Hein. On avait aussi le jeu. There and come and back again. Le micro. There and back again. Mais je sais pas qui l'a fait. Non plus. Je me souviens plus là, de tête. C'est quoi? Tu te souviens du concept ou pas? J'ai pas eu le temps de trop tester les jeux, donc je saurais pas te dire. Mais Bouh. Non mais je suis désolée pour l'équipe. En plus, elle a même pas testé le nôtre. C'est honteux. Ça va venir. Attendez. Il y avait de l'orga derrière. On avait aussi deux jeux de société de la Maison des Souvenirs avec Jérôme. Ouais, Jérôme Modigier, donc ouais. Un ancien d'Artefix qui avec était qui on a fait notre première, enfin la jam qu'on a fait ensemble bien. Sancho. C'est ça, Sancho. un jeu de société aussi de la team Fat Wolf qui ont bien pris le temps de dormir d'ailleurs, je crois. Elles sont rentrées chez elles directement, elles ont pris le temps de dormir, elles ont fait un jeu très sympa. J'ai eu des bons retours là-dessus. Et puis pour cette aventure, le fameux. On en a parlé, mais voilà, il faut vraiment le citer très régulièrement. Oui, c'est important. Franchement, allez y jouer parce que c'est honnêtement super quali pour un jeu d'orga fait comme ça. Je suis contente parce que c'est fait sous Click Team. Et mais Click Team, en vrai, c'est la vie pour les jams. Pour les jams, c'est bien cool. On m'a dit, mais pourquoi tu fais ça tout le long? Et au final, on a un jeu, putain. Donc ça marche bien. Et il y a un autre jeu qui a été fait par une personne qui était seule, qui est sur la société LGBT. La communauté ou la société. La communauté. Communauté. C'est ça. je trouve le nom du jeu. C'est Franck qui l'a fait. Ouais, c'est Franck Kézak qui l'a fait. On lui dit bonjour d'ailleurs. Salut. Et c'est Villa Ace, je crois le nom du jeu. Villa Ace, ouais. Plus exactement. Voilà, ça c'était tout pour tous les jeux de la globale par Pushstart. Il y a eu beaucoup de jeux à Montpellier, je vous conseille d'aller les voir. On a testé ceux de Sudpixel et d'Artefix et ils étaient tous de grande qualité. Mmh. Donc on est assez fiers de cette Game Jam 2019. Ouais, et d'ailleurs, je passe une dédicace à tous ceux d'Artefix parce qu'ils ont vraiment fait des... des monstres de graphisme à cette jam et même les concepts, enfin tout est... Ils ont quand même du sacré niveau maintenant à l'école, donc je les encourage pour finir leur année et sortir un projet de fin d'études de ouf. Ouais, après, toujours dans les projets un peu coup de cœur qu'on a pu essayer dans les différentes soirées, il y a celui de Tristan Hiller. Qui a fait sur le site de Sudpixel, il me semble, un jeu tout seul de narration procédurale qui est tout simple et qui est très poétique et très, très chouette. Pour quelqu'un qui a fait ça tout seul, c'est super cool. T'as le nom ? Parce que du coup, j'ai plus le nom en tête là, du nom du projet. J'y ai joué hier, je m'en souviens plus. Mais non, mais le jeu était cool. On vous mettra de toute façon les liens en description. Ouais. Juste pour revenir au jeu dont on ne souvenait plus qui avait fait, c'était un jeu narratif en noir et blanc. Enfin, ouais. Pardon. C'était un jeu narratif en noir et blanc où on suivait une histoire textuelle avec quelques graphismes. Je me souviens plus exactement l'équipe qui l'a fait. Je me souviens l'avoir vu, l'avoir testé rapidement, mais voilà. J'ai pas vu le projet. Il était cool, il était terminé, il marchait très bien. Après, il fallait être plus concentré pour y jouer parce que c'est vraiment un jeu narratif, donc faut prendre le temps. Mais je vous le conseille. Ok. Très bien, c'est une bonne sélection. On a de quoi jouer à coup d'expérience de 5 minutes, mais en fait non, ça dépend. Bref, ouais, ça peut durer déjà. Peut-être que ça inspirera certains à faire des jeux un peu plus longs. Hein, maintenant. Mm. Ouais, d'ailleurs il y a plein de jeux de jam qui créent des studios après. Mais... Ouais. Le jeu directement, hein, pas les gens. En plus, mais voilà, c'est un Normal Lost Fun, je crois, qui a été fait. C'est ça. Ouais, il y en a plein. GGG. D'ailleurs, il y avait une promo Steam pendant la GGG. C'était assez intéressant de voir tous les jeux qui ont été réalisés au cours des Global Game Jam et qui ont été ensuite commercialisés. Ouais, enfin, en version améliorée quand même. Ouais, oui, non, mais. Non, tel quel, t'inquiète. qui ont été prototypés pendant la GGG. Vas-y, on va en citer quelques-uns. Céleste, Titan Soul, donc un Normal Lost Fun. Ouais, ça, c'est pas forcément que la Global, ça, c'est pour. Ouais, mais pas forcément en jam. Que en jam, ouais. Mmh. Ouais, on en a cité pas mal dans l'émission de l'émission d'avant. Ouais. Tu sais, je me souviens plus exactement tout ce qu'on a dit. On dit beaucoup de choses dans cette émission. Beaucoup de bêtises. Aussi. Et beaucoup de pépites de savoir. J'avais pensé que t'allais dire autre chose au début. J'ai dit, oh, comme ça. Bref. Alors, on arrive à la conclusion de cette émission. Enfin. La vraie. Voilà, ouais, la vraie. Du coup, est-ce que quelqu'un a quelque chose à promouvoir ? Ben ! Non, je pense de plus en plus à faire du streaming. Donc voilà, si vous voulez avoir des infos sur quand je streamerai avec des copains, peut-être vous d'ailleurs. Mm-hmm. Ouais. Voilà, sur du jeu indépendant notamment, mais pas que. Voilà, je vais peut-être me lancer une petite chaîne Twitch pour streamer le dimanche, comme mon nom de famille. Le stream du dimanche. Génial. Franchement, le nom déchire. Moi, j'aime. Voilà. Et puis, abonnez-vous sur mon compte Twitter, @bendimanche. Oui, c'est vraiment mon vrai nom. Je pourrais vous montrer ma carte d'identité. Bien. Pas spécialement. Si vous pouvez liker la page d'Arachi le jeu, mais en gros, mes réseaux sont pas encore tout à fait faits. Il y a la chaîne YouTube qui est en préparation. Et t'inquiète pas que dès qu'elle sort, je ferai mon autopromo. Tu as un mois. Oui, je sais, j'ai dit le 10 mars normalement. Marie, un truc ? Non, j'étais très occupée par la globale, donc pas grand chose de nouveau. Nac. Bon, moi j'ai dit en début d'émission que j'allais y revenir. Il se trouve que l'émission précédente, j'ai dit que j'allais tout faire pour sortir ma nouvelle vidéo d'ici la Global Game Jam. Il se trouve que, comme vous pouvez le constater, c'est amplement. Voilà. Non. J'ai attendu en plus, hein, j'étais prêt à la relayer, mais non. Mais c'est parce que non, mais c'est pas faute d'avoir travaillé dessus vraiment d'arrache-pied. J'avais un script d'une dizaine de pages, taille de police 11, mais j'ai trouvé que c'était trop long et que ça manquait de punch, etc. Donc il faut encore que je retravaille un petit peu tout ça, mais voilà, juste pour que ce soit plus digeste à regarder. Mais non, mais ça va bientôt sortir et ça sera excellent, bien évidemment. Évidemment. Voilà, on s'encourage comme on peut. Voilà, bon, bah du coup, vous cassez-vous. Bah ouais, du coup effectivement on va pas traîner. Vous pouvez retrouver tous les liens utiles évoqués durant cette émission dans la description du podcast sur la page de Radio Kawa. Vous pouvez d'ailleurs y retrouver l'intégralité de cette émission en écoute et téléchargement, mais aussi sur iTunes, Spotify ou quelle que soit votre application de podcast préférée. Il est possible de nous contacter via Facebook et Twitter ou dans les commentaires de la page Devin Retry sur radiokawa.com, et sur le même site vous pouvez aussi trouver un lien vers le Patreon de Radio Kawa auquel nous vous invitons à souscrire, c'était presque parfait, dommage, auquel nous vous invitons à souscrire pour soutenir la création de podcasts indépendants. Donnez des sous. Merci de nous avoir écoutés et prenez soin de vous d'ici le mois prochain. Bye. Bye. Salut. À dimanche. Ça, c'est le thème musical qui s'intitule « Vous allez mourir ». Ça fait presque plus mal maintenant. C'est le moment où je lâche de partout. C'est là où ça s'envolait. C'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est une météorite. Gardez votre calme, nous allons juste mourir. Gros caillou volant en feu va faire un calme. Heureusement que je vous ai prévenu pour la météorite. Je commençais à transpirer. Je ne sais pas où, mais moi, je suis à plat. Je ne sens plus mon moteur droit. Je ne vous remercie pas pour les vies. Je suis victime d'un incendie. Ladies and gentlemen, vous pouvez détacher votre ceinture, nous sommes arrivés. En espérant que le voyage fut agréable, Tchernobyl Company vous remercie pour votre confiance. À bientôt. Merci de ne pas m'avoir laissé en feu. Et théorie en approche, si ça intéresse quelqu'un. Mon moteur gauche ne motorise plus. Moteur droit, pas content. Moteur opérationnel. Allez, à dans 10 secondes. Quelqu'un pourrait m'éteindre? Sautez sur le bouton, ne m'obligez pas à supplier. Super, on peut continuer votre atterrissage catastrophe. Tout va presque bien. Trop acolmaté. Vous avez pensé à régler la facture électrique? Vous connaissez un bon mécano, non quoi? Vous êtes mort. Du coup, je vais mourir aussi. Merci. Vous pensez que ça laisserait une cicatrice?